c'est tout quand on fout qui tout ça roule shit. Yo ka parler des 38, mais yo ka dominion, yo ka ce big fucking sleep. Vini faire un tour, on l'aime au biggie frat kakia. Mon savé ton camon pour frat kakia. Vini maman, on l'aime au frat kakia. M'oblige, ready, mon tête, le toka paille poussia. Position on le big frat kakia. Wine up on le big frat kakia. Climb up on le big frat kakia. Parce qu'il y a real fucking big man qui a fuck poussia. Sous tête baissée, sous verre plein. Moi c'est le capable, moi j'y 6 heures du matin. Moi tête pété, moi tête plein. Au soya tja, y'a obligé faire ce respect. Yal, depuis ta loi, ton café mon pété cab. Moi pas câble off, moi qui obligé pas trop d'étapes. Moi déguilé sur les mots, donc on est à dégâts. Nous des fois que j'suis dans ton famille, moi pas qu'à faire des tailles. Vini faire un tour, on aime au biggie. Faut me garder moi, c'est pas moi qui te fais bao. Fais vite avant, il est trop tard. Pour des soldats moi non, mettre quoi en mode cao-cao. Parce que oui, on homme qui bataille. Donc là, obligé wine, obligé wine, yal. T'as pas la peine, fais scandale. T'as l'air à où t'es qu'à parler. Actuellement, c'est moi qu'à parler. Ou ça serait bien qu'un piqué qui t'est wallé. Mister, baby girl, comment tu fais ça? Du lundi au dimanche, tu wine ton go. Mister, ok. So, me girl, them wine. Avant, il t'a ta. Wine, avant il trop tard. Avec chalet, gars, nous savons très bien où aimer ça. De l'air où tout c'est loup qui a brûlé ça. Donc, la obligé wine. Avant il trop tard. La obligé wine. Avant il trop tard. Avec chalet, gars, nous savons très bien où aimer ça. De l'air où tout c'est loup qui a brûlé ça. En bas, quand même pas les débats, la gars, pour brûler. Sol là où on vit, mais. Les autres là, ça va y'en pas qu'à brûler. Comme au banc, c'est pas où y'a que ça meille. Pour le moment, soldat, mais la gars, nous. Pour le moment, soldat, mais la gâte en nous. Oui, dis non mou, ou dis nous, ou dis non mou. Mais comme tous les jours, puis j'allais bien le chou. Donc là, obligé, wine. C'est pas moi qui ai fait bao. Fais vite avant, il est trop tard. Ou dis soldat, moi non, ou mettre quoi en mode cao-cao. Parce que oui, on homme qui bat tao. Ou à laisser, pas dit qu'il n'en l'est, y'a rien nous vini décompressé. Si moi qu'à coller d'ailleurs, on va sentir qu'on va agresser. Il peut qu'il n'y blesse. Sauf qu'il y a mal, ouais, gal wine, gal wine. Baby, comment c'est wine up? Wine, gal wine. Ou qu'à faire me crier, oh my god. Sauf qu'il y a mal, ouais, gal wine. Ni nani red femme, red femme qui en forme. Nous pète capé un petit chabine, un petit négresse, un petit métier, un petit coulis, nous pas qu'à fond. Yo mérite des siodis. Soirée madinina, c'est la qui ni plus miss. La ni combien y'actrice, caché chez yon Will Smith. Will bad gyal, garçon pas vini dis. Madinina ladies, os quoi y'a les wek. Gyal wine, gyal wine. Baby, comment c'est wine up? Wine, gyal wine. Os quoi y'a les wek, gyal wine, gyal wine. Lady, comment c'est wine up? Wine, gyal wine. Ou ka fait me crier, oh my god, c'est Woogie number one. Yeah, Madinina lady. C'est Woogie number one. Yeah, Madinina baby. You was the baddest, let me tell you this. Tout ça, on y en est au capézé. Chaque coup de train descend dangereux. Chaque moun en moun d'en sol, c'est pas jeu. Mon Dieu, pardon. Au soir, y'a ma vie, nous sommes pardon. Le pardon. La Dieu, on répond pas tout. Le Bifort, pendant une heure, Tijo Sound mix tes hits préférés sur Trace FM. Toli, long telephone with the door. But push through the back door. Cause we ain't playing no more. So push through the back door. Cause we ain't playing no more. So push through the back door. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir, bon week-end. Comment ça va? Ça va, ça va. Eh bien, quoi. Comment le tempo des corazones? Ah putain, tout le monde arrive pile poil 2 minutes après l'intro. Bon allez, j'exagère. 5 secondes après l'intro. Ça va, Keshi? Ça va. T'as traversé à travers les gouttes? Ouais. Entre les gouttes. Putain, t'es beau quand tu mets un blouson. Franchement, ouais, ça te fait une carrure. Ah ouais, ça te fait une carrure de dingue. N'enlève pas, n'enlève pas. On a l'impression, il y a des épaulettes dedans, c'est pour ça. Ouais. T'es essoufflé, mec. Ouais, ça bon. M'a fait courir. Bah écoute, ouais. Je sais pas qui courait derrière l'autre. Ça va, Sab? Ça va, ça va. Ouais, environ 6 secondes et 3 centièmes après l'intro. Oui, mais avant Keshi. Mais je vois pas comment c'est possible, quoi. Mais bon, c'est arrivé. Il y a la miss Lilou avec nous. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Salut Maë. Salut. Bonsoir Ness. Salut. Salut Gogo. Salut Yannick, comment tu vas? Ouais, j'adore. Monsieur, il parle comme dans une publicité. Mais on non. Dirait, allons l'appeler M&M's. Vous savez? Quel rapport avec M&M's? Mais parce qu'en fait, attends, parce attends. Parce qu'en fait, quand tu prends les M&M's, quand tu les prends dans les publicités, ils parlent d'une certaine manière. Évidemment. Et dire, mais bien sûr, t'as une voix de publicité, je trouve. T'as vraiment une voix. Merci, je prends ça comme un compliment. Comme les petits fruits là. Allez, Oasis. Ben, ils parlent comme eux. It's good. Je trouve pas. Je trouve que t'as plus une voix de toon que lui quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais non, pas du tout. Si, si. Attends, je viens renfant et puis tu me mets là. Ah, moi je suis comme ça, moi j'ai pas d'amis, moi. Tout est contre moi maintenant. Moi je suis comme ça, moi j'ai pas d'amis, c'est comme ça. Après, t'as la chance, on s'est pas beaucoup encore acharné sur toi. Je me suis payé qui cet après-midi? Je crois que sur le groupe, je me suis payé Yosh. Ouais. Je me suis payé un peu Keshi. J'ai pas encore décidé que ce sera toi, hein. C'était juste un petit préambule pour tester. Mais comme tu m'avais l'air bien susceptible ce soir, non. Je pense que j'étais dans le collimateur désormais. Ben non. Jamais donner une prise à un mec méchant. Faut jamais faire ça. On a Tijo également avec nous du côté des platines. Bonsoir Tijo. Pa pa pa pa. Tu pourrais nous mettre un truc qui résonne un petit peu comme le week-end, quoi, un truc. Bah ouais, il faut une musique, de la soca, je sais pas, un truc. De la soca. Bah ouais. La manière dont tu dis soca, on sent que le mec c'est sale quoi ce qu'il demande quoi. Soca. T'as besoin de faire un daggering derrière une nana que tu Non mais c'est le week-end les gars, il faut une musique. Dans une foule totalement anonyme, hein. Et que la nana, 9 mois plus tard, te demande comment on l'appelle. Bref, hashtag G9, c'est hashtag Trace FM 0820-203-200. Qu'est-ce que tu peux me mettre qui sonne un peu week-end, s'il te plaît, Tijo? Ah ouais, non, ouais, ok. C'est quoi ça? Atlanta. Atlanta, peut-être. Ah ouais, Chicago. Ah ouais, non, on est en Pennsylvanie, là. Hier, yeah, tu vas dans le pub. Hey, bonsoir Hugo. Salut Yannick. Comment s'est passée ta semaine, ta week, ça? Plutôt cool, tu vois. Tu as travaillé également tu as travaillé merde, comment s'appellent les grands supermarchés là qu'ils ont, tu sais, les gros trucs là? Au Morning Market. Ah yeah, tu as travaillé au Morning Market. Ouais, j'ai vu le shérif. Hey, dis-moi, ce week-end, le shérif. Ce week-end, nous allons chasser l'ours. Sabri, tu viens? Ah ouais, je vais pas oublier de ramener Bob. Hey, regarde, dans le pub, il y a également des bitches avec nous. Comment ça va, Lilou? Hey, les gars, si on allait encore tuer un nègre. Hey, ce week-end, allons, nous sommes tous officiers de police, tu sais, aux États-Unis, tu sais, genre. Hey, les gars, yesterday I killed a nigga. Yesterday. Oh là là. Non, tu peux me. C'est les endroits que t'as visité là-bas, toi. Ouais, tu peux tropicaliser un peu le truc, s'il te plaît, un peu week-end, un peu. Mais voilà, week-end près de chez nous. Voilà, ça c'est déjà mieux, tu vois. Voilà. Es la República Dominicana. Como están? Quintero. Quintero. C'est à force d'aller voir les prostituées, tu sais dire que des chiffres en espagnol. Hey, tu chantes, tu chantes, tu participes ou tu fais que parler? Voilà. Parce si que tu veux m'embêter, tu peux le faire en chanson. Somebody say, Pulo Passion! Pulo Passion! Ok, on est ta passion! Aïe aïe aïe! On tape dans les manos! Aïe aïe aïe! On y va. Manas. Un, dos, tres! Quatre! Un pasito G9, c'était bien là! Un, dos, tres! Le week-end est déjà là. Un, dos, tres. Arriba. On va déchirer la bande FM là. Un, dos, tres. La radio, elle restera pas. On va casser. Et les micros, les auditeurs, les animateurs. Aïe. Et le dance floor. Et avec Tijo Sound. Bon, et tu peux me tropicaliser ça encore plus ou pas? Africanise-le-moi, s'il te plaît. Tu peux me l'africaniser, s'il te plaît? Qu'on pense à tout le monde, évidemment, toutes les communautés qui peuvent... Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Comment il t'appelle? Yeah, yeah. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, j'avais pas compris. Allez, on y va tous au cœur, le refrain. C'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Arrête pour ce massacre. Tu as pas un petit trou de nanana nanana nanana nanana nanana nanana. Je me sens un peu seul là. Ouais, mais là je t'ai laissé parce que tu allais trop loin. Écoute mec, je voulais t'annoncer que dès le début de l'émission t'es allé trop loin mec. Tu vois? La rythmique, on la chante, tu vois. Mais quand tu commences à la taper dans tes mains, mec, tu vas trop loin, mec. Tu fais peur à tout le monde dans la pièce, mec. Il y a un moment, tu te lâches trop, mec. Il y a un moment, faut que tu trouves des limites. La limite de la frontière. Mais oui, il faut que tu sois un peu plus normal par rapport aux gens. Si tu la passes, t'es dans un autre pays, sinon tu leur fais peur. Oui. Lâche-moi un petit truc, là. Allez. Non, j'aime pas. J'aime pas. Ôte-moi ça. Enlève-moi ça. Moi, je veux le baba. Je comprends pas, en fait. Un DJ... On fait baba. Comment tu connais baba? Je comprends pas, en fait, ces DJ. Tu leur donnes pas le titre, tu leur donnes pas l'artiste. Ils sont incapables de retrouver. C'est parce que j'adore les paroles de cette chanson. J'adore, je comprends tout ce qu'ils disent. Tu connais pas cette chanson? Mais si tu la connais, cette chanson. Mais oui, t'étais avec nous. Mais oui, Burraka son sistema. Putain, il est lourd, lui. Il sait peut-être pas. Burraka, B-U-R-A-K. Le mec ne sait même pas qu'il a ça dans sa machine. Regarde, c'est moi qui apprends au DJ comment mixer. Enfin, comment jouer la musique. Un son. Burraka, B-U-R-A-K. T'as trouvé? Ougonette? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle Hangover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. C'est pas compliqué. Eh, c'est pas ça mal ça quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas mal, tu sais, ça fait genre. Bah, c'est du coup droit. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça me rappelle un jeu. Un petit coup droit, on dirait FIFA ou Need for Speed, tu sais. Ouais. Allez, tout le monde en formation. On y va. Tu veux danser un coup droit? Eh, tu sais ce qu'on dit? Non. On dit dis-moi. Coup d'oro. Coup d'orin. C'est chaud. Eh, on dit coup d'oro. Devant aussi, c'est d'oro. Non, weke weke. Mais non, frère. J'ai l'impression de jouer à Need for Speed, mais tu sais, genre le carbone, le truc qui est super ancien, quoi. Ou le FIFA, tu sais, genre de 2011 ou un truc comme ça. T'as pas un autre Buraka Sound System, hein? Mais frère, ne me fais pas dire devant tous les gens, alors que mon micro est allumé, que tu es mauvais ce soir parce que tu me fais pas plaisir. Je suis énervé, Tijo Sound. Tu as cru que c'était DJ Shazam ou quoi? Ben, je sais pas, mais à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on attend d'un DJ qui joue exactement qu'il devine nous penser sans qu'on lui dise. C'est comme jamais. Ça. Il y a même des mecs qui mettent des écriteaux. Je suis pas ton iPod. Oui, il y a des gens qui font ça. Ouais. Il y a des gens. Mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je leur demande quand même parce que. Ouais, t'as payé la soirée, donc c'est normal. Je suis une anecdote de trace, pas ce que je veux. Hein. Non, pas forcément. Non. J'arrive en mode incognito parce que si le gars prend son micro pour dire Yannick de Trace veut écouter une chanson qui est immixable dans le tempo. Et puis jusqu'à te retrouver à bosser pendant toute la soirée. Je prends. Ouais. Le mec il dit ouais, parle dans le micro, c'est bon, je joue ton titre. Tiens, je vais te montrer le truc que je cherche. C'est ça que je veux depuis le départ. Ce morceau là. Tu vois ça c'est ambiance, c'est différent, tu vois. On a l'impression d'écouter quelque chose qu'on n'a jamais entendu auparavant. Je suis sûr que même Hugo il connaît. Regarde bien. Tu sais, attends. Bon, le temps que le wifi si vous voulez. Voilà ça. Ça tu connais pas ça? Au prochain jouet. Tu l'as jamais joué? Non. Qu'est-ce qu'il a? Allez, on te fait découvrir un son. Ah, putain. Assieds-toi, écoute. Assieds-toi, Tijo. Assieds-toi. Ok? Tijo. Assieds-toi. C'est brand new. Ça date d'il y a environ un an et demi. Ok? C'est brand new. Toute la semaine prochaine, on veut l'entendre dans le before. Ok? Ça, avec Kayla Blind et Bambin. Ok? Le Bambin. Tu connais pas ça? Attends, j'essaie d'augmenter le son parce que moi, c'est pas des platines que j'ai. Oui, ce serait bien. Tu es exigeante. Je peux pas faire plus les gars. Faut que vous baissiez un petit peu le ton. Regarde. C'est facile. Tiens. Tu sens pas l'ambiance? Ça monte. Aïe aïe aïe. Mais par contre si tu bouges trop fort on va entendre le bruit de tes os qui craquent. Aïe aïe aïe. Et regarde les paroles. Facebook. Ah, attention, on est en train de déchirer le dance floor de la radio. C'est Friday, c'est week-end, fin de la semaine, c'est Transfm. Et les gars, ouais. Vous m'avez déçu là. Vous m'avez déçu, c'était naze. Votre coup d'oral était coup d'oral, tu vois. Il était même pas conjugué au pluriel tellement c'était pas bon, vous arrivez pas à vous synchroniser. Bon, c'est la fin de la semaine, on y va? Ouais. Bon, tu aimes toujours pas mon morceau? Mais frère, j'ai jamais joué ça. Je m'en bats les couilles, t'aurais dû le jouer. Non, je m'en bats les couilles, t'aurais dû le jouer. Tu annonces aux auditeurs que j'ai joué un morceau que j'ai tu joué. Tu n'as jamais joué ça? Je n'ai jamais joué. Tijo, tu es venu un soir. Tu m'as fait découvrir ce morceau. Tu as chasamé le truc, tu l'as joué une fois. Mais non, putain, le mec me fatigue. Et tu sais quoi, ton boulot c'est quoi? C'est mixer? Eh ben, va derrière les platines. Fous-moi la paix. Dégagez. Et d'ailleurs, c'est pas toi qui mixe ce soir, c'est moi. DJ Yannick. Ouais, mais pas avec ton téléphone là. Comment il s'appelle le DJ de Apple, tu sais, c'est DJ Genius. C'est le son. Et les gars, taisez-vous, je mixe. Bon, lâche-moi un petit gypsienne là, jiggle. Parce que de toute façon, je pense que. Non, tu l'as pas non plus. Mais si, là, ça. Il se fout de ma gueule ou quoi? Mais il va pas bien ou quoi, ce garçon? Bref, c'est le week-end dans la radio. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? On a du top 5 qui arrive. Alors franchement, honnêtement, il y a de la joie hein, ce soir. Il y a du bonheur, mais il y a aussi une pensée très très émue aussi pour les voisins qui sont à Haïti, qui ont quand même essuyé un putain de sale score par rapport au passage de Mathieu. Alors on va en parler parce que mine de rien, c'est vrai que les tempêtes et les ouragans de manière générale, c'est vrai que c'est un peu dans la culture de la Caraïbe. On sait un peu, des fois ça fait longtemps qu'on en a pas pris un vraiment de manière très très violente. On a l'impression d'ailleurs souvent que le sort s'acharne sur Haïti. On va prendre des nouvelles forcément ce soir des gens qu'on connaît. Il y a des artistes qu'on a reçus ici. Il y a énormément de gens de la diaspora antillaise, mais même aussi haïtienne, qui sont très sensibles à cette situation. On parle d'un score de, enfin un score, pardon, un nombre de victimes. 842 morts. Et c'est pour l'instant provisoire comme bilan. C'est-à-dire qu'on n'a pas totalement fini de dénombrer. Enfin, j'espère pour que oui. À un moment ou à un autre, c'est simplement un truc. Je ne sais pas si vous imaginez quoi. C'est-à-dire que ce même phénomène, en fait. Climatique qui est passé en fait entre la Guadeloupe et la Martinique, il aurait pu, dans un axe un tout petit peu différent, faire peut-être autant de mal, peut-être, enfin je sais pas comment le dire. Imaginez 800 personnes qui disparaissent autour de vous en Martinique. Imaginez 800 personnes qui disparaissent autour de vous en Guadeloupe. C'est un truc tout simplement auquel on peut pas rester indifférent, simplement parce que bon bah c'est Haïti, que c'est un tout petit peu plus loin, ou alors on connaît pas bien machin, etc. La Caraïbe, pour moi, c'est un seul endroit, et mine de rien, Haïti, pour bien des raisons, est souvent raillé, moqué, pour d'autres raisons, est souvent admiré. Et là, bah, ce soir, c'est simplement en tant que frère et sœur, j'imagine qu'il faut avoir une petite pensée pour eux. On reviendra là-dessus. Il y a pas mal d'artistes également qui ont poussé leurs petits mots, qui ont exprimé leur désarroi, parce que c'est quand même une sacrée tragédie en fait qui se passe du côté d'Haïti. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va se mettre un petit peu d'ambiance. Ouais, voilà, tu l'as le son, c'est bon, c'est cool. Yes. On reviendra avec le top 5 de ces 20 dernières années, 30 dernières années, des plus gros phénomènes climatiques en fait qui sont passés par chez nous. On reviendra également avec du sexe confessionnel un petit peu plus tard. Il y a du Hey Baby Allo, j'imagine aussi. Vous nous envoyez vos numéros si vous voulez qu'on appelle quelqu'un de votre choix. Vous nous envoyez également éventuellement un cocoteur qui vous entoure. Il y aura de la hotline du cocoteur. Oui, mais j'ai déjà choisi pour ce soir. C'est l'homme aux trois jambes. Ah, t'as pris ton préféré. Oui, il est pas mal. Il est assez. J'ai l'impression que là, en cette fin de semaine, là, c'est un peu les pseudos qui t'inspirent en fait la personne. Ah bah toujours. Hashtag G97, hashtag Trace FM, à tout de suite dans Génération 97. Quand les femmes courent pour lutter contre la drépanocytose avec McDonald's, ça donne ça. Alors cette année encore, rendez-vous au 5K de McDonald's pour lutter contre la drépanocytose. Dimanche 23 octobre à 8h, rue Thomas Edison à La Jaille. Inscription dès maintenant en restaurant et sur 5kmcdonalds.com. Frais d'inscription de 5 euros, entièrement reversés à l'association partenaire. La ville du Moule et l'association ASCM présentent le Mio Contest, édition DKM. Édition DKM. Battle de chant et danse, toute discipline. En jeu, 250 euros. Et de nombreux lots à gagner par battle. Samedi 15 octobre à 19h30, salle Robert Loison au Moule. Prévente 10 euros au guichet salle Robert Loison au Moule. Sur place, 15 euros. Attention, date limite d'inscription jusqu'au 10 octobre. Contact 0690 425 975. Page Facebook ASCM Initiative Projet. Mio Contest Battle Chant et Danse, samedi 15 octobre, salle Robert Loison, au Moule. Be there! Salut Kevin. Salut Léa. Alors, t'en es où de tes projets? Bof, rien, ça n'avance pas. Pourquoi tu ne vas pas te renseigner au RSMA? Au quoi? Au RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe. Ce sont 30 formations pour 30 métiers qui embauchent. Peintre, maçon, secrétaire, conducteur d'engin, agent de sécurité, mécanicien. Comme moi, tu trouveras forcément ta voie. Et ça dure longtemps? Entre 6 et 12 mois, pendant lesquels tu es logé, rémunéré. Et à l'issue, j'ai trouvé un travail. Ils m'ont même fait passer mon permis gratuitement. Ah ça, c'est cool Léa. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous avez entre 18 et 25 ans. Chaque mois, le RSMA recrute en Guadeloupe. Informations et contacts sur rsma.gp et les réseaux sociaux. RSMA, réussir ensemble. Flickage Fraud, présent dans Oli. De 16h à minuit, le dimanche 9 octobre, au restaurant du Lagon, Saint-François, au platine. DJ RK. Rod. DJ Skeida. Entrée libre pour tous jusqu'à 18h. 10 euros pré-vente disponible sur allmall.com, dans vos magasins Matrix et à la boutique Freestyle. 15 euros sur place. Team Lagon dispo. Au programme, stand chicha. Transat à disposition. Domino à la demande. Restauration rapide sur place. Body painting oxyde. N'oubliez pas la réservation. 0690 35 13 49. Trace FM.

temps d'aller, d'aller. Pénache, me dis, moi, salve, salve. Mets bien la mif, donc faut mailler, mailler. Des euros dans ta poche, y'en a jamais assez. Je rêve de quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne possible, elle en a vraiment pas fait. Je me battrai jusqu'à ce qu'on puisse évader. I just changed. It just was the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I think I lied for you. I think I died for you. Jodeci cry for you. Do things when you want me to, like controller, controller. Controller, controller. Yeah. Okay, you like it when I get aggressive. Tell you to go slower, go faster. Like controller, controller. Yeah. Like controller, controller. Yeah. And I'm never on a wasting charge. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me to give you nothing. They don't want you to have nothing. They don't wanna see me find your love. They don't wanna see me. Big up DJ Son, Big Bad DJ Hachimi. With me, nothing less sissy. So me give you the best of me. The girl I wine like a gypsy. One more shot and she get tipsy. She up the itsy, the real itsy ditsy. Circle down on the lady. You know to say you a drive me crazy. The way you wine you amaze me. You know take a bag of man like the Navy. Circle down on the lady. Rock it out on the floor, you know lazy. Your lifestyle is not shady. And you don't take a bag of man like the Navy. You don't see the thing turn up in a ya. Get a whine it like a mubara. You body well and awesome, yeah. Put them a lady. Have a yoki mama nu. Say ba yoki papa nu. Say yoka po se baka po waku. Say ba yoka nu inu lady. You are the top top, top top. You are the top top, top top top. You are the top top, top top. You are the top top. Girl, no never do tell no, you prefer for no. For my love to my man, pal, where you no. Shut the bully, shut the bully. Tell you what you do, no. Don't shout you, no. Me say no, cafe stop the. Shut the bully, shut the don't talk. To take it to you, then you gonna you can walk. Top my lens, fancy côté a vin dark. Papa foot, dimo sound man, côté ça mo gaga. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire, le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. Comment ça? Le DJ s'est endormi ou quoi? Non! Eh ben, j'étais pas. C'est la pause syndicale, c'est quoi? Sa pause syndicale? Il fait grève, il t'a dit. Il fait grève? Grève? Ah non! Alors, syndicat, les grèves, c'est pas la même chose, mon gars. Alors, je vous propose, à un moment ou à un autre, de prouver à ce DJ si on peut se passer de lui ou non. Réclamez vos titres au standard. Nous les jouerons. Bah, ils seront peut-être pas mixés. On va faire notre possible de ce qu'on peut faire. Ouais, mais c'est, ça sera, je connais pas du tout son matos par contre. Hashtag G97, hashtag TraceFM. 0800 22 103 200, également sur le net www.trace.fm. Tout le monde va bien? Yes, ouais. Oui, un petit coucou à Juicy Bed qui se connecte sur Twitter, Célia qui est là aussi, Goodman, Laurie, Lunastra, bonsoir, bon week-end. Il y a Clapton aussi qui est là, t'as vu? Clapton. Clapton. Eric? Mais oui, c'est Goodman Clapton, c'est lui. Ils connaissent pas Eric Clapton. Mais non, mais il dit Eric comme si vous connaissiez. Mais il peut y avoir des gens, mais enfin, c'est pas parce que je dis par exemple Jimmy Varsovie que tu connais forcément Jimmy. Mais non, mais c'est pas pareil ça. Eric Clapton, c'est une légende. Ben c'est une légende, oui, si tu aimes sa musique. Oui, mais il a marqué la musique. Alors déjà, rien qu'en disant la musique, je sais qui c'est. Tu as juste eu un peu de chance. Alors, attends, Eric Clapton. Alors, chante-moi une chanson d'Eric Clapton, Nessie. Non, mais Nessie, elle est forte pour ça. Et j'ai grandi avec Eric Clapton, mon père n'écoute que ça. Donc. Mais à un moment, il a arrêté. Tu as grandi avec Eric Clapton, donc j'en conclus quoi? Qu'il fait 1m60? Bref, Eric Clapton, il fait If I could save the world. Je connais même les paroles, alors je connais. Mais les autres, ils connaissent pas, je suis sûr. Elle a pas réussi à te clasher, elle s'attaque à d'autres. Réaction d'ailleurs, typique. Hugo ne parle plus. Non, tu connais pas, j'avoue. Tu connais pas Eric Clapton? Pas du tout. Mais si. Il joue de la guitare. Ouah, quelle belle. Il a une petite barbe. Non, c'est un mec qui a fait quand même des grandes choses dans la musique. Après, c'est peut-être pas forcément ton répertoire. Toi, t'es peut-être un peu plus Zouk, un peu plus Anthony Drew, machin, etc. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, en fait, si tu veux, Eric Clapton, c'est très pop, quoi. C'est très de la musique. C'est de la jolie musique, hein. C'est très, très agréable. Ah oui. C'est, dans quelques années, ce sera de la musique qu'on pourra entendre, je sais pas, tu sais, remixer par un DJ, genre Avicii ou un truc comme ça. Mmh. Et à ce moment-là, tu diras, oh, quel génie ce Avicii. Vous avez entendu la mélodie qu'il a créée? Ouais. Ou sinon, c'est TKMG qui va reprendre le morceau. Bon, non, Warped. Warped. Pour l'instant, il fait que des reprises en français, mais bientôt, il s'attaque aux reprises en anglais. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0800 22 103 200. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qui m'annonce? Il y a de la Yoshi strophe. C'est la Yoshi strophe. Ok. Yes. Ça marche. Yoshi a encore eu un problème. Encore. C'est un problème auquel vous avez peut-être été confronté dans votre propre vie. C'est un problème qui est véritablement une catastrophe pour lui. Mais comme ça arrive dans sa vie, c'est pour ça qu'on l'appelle la Yoshi-strophe. Oh. Voilà. Ça se trouve, tu te reconnaîtras peut-être. Ça te semblera peut-être aussi inutile si tu n'as pas rencontré la situation. Explique-nous. Eh bien, je me suis vu refuser un job par rapport au fait que j'ai les cheveux longs. J'aime pas quand tu fais ça comme ça. Parce que, en fait, Yoshi est un garçon si ouvert d'esprit que toi, en fait, ne devrait pas commencer par la conclusion, en fait. Ouais. Tu devrais nous expliquer l'histoire pour qu'on puisse se faire notre propre jugement. Et comment est-ce qu'on fait pour amorcer une histoire? On commence par... Alors, c'est comme si que... ça, j'ai jamais dit ça. Non. Vas-y. Comme si que il était une fois. Alors, ce matin, je me suis présenté à un rendez-vous pour trouver un job étudiant. Parce que j'aimerais bien avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire mes... Bon, on nous raconte pas ta life non plus. Le mec, il va nous faire pleurer dans les chaumières, tu sais. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, madame. À votre bon cœur. Compagnie en euros. Compagnie. Oh, non, mon gars. Comme les... C'est souvent que tu leur donnes pas, toi, pour entendre cette phrase-là. Ah oui, moi, les marginaux, moi, ils m'insultent, moi. Moi, une fois, il m'est arrivé un truc avec un marginal, un truc très, très sympa, d'ailleurs. J'avais pas assez d'argent à la caisse pour payer, et c'est lui qui a donné, je sais pas, l'euro ou le 1,50€ qui manquait. Le gars, t'as vu tellement galère. Et le mec, il est arrivé, tu sais, mais chaque fois, je me pose la question, comment ils font pour me reconnaître, parce que je me dis, mais ils ont pas de télé. Je comprends pas. Tu sais, je me dis, des fois, ah, mais oui, on sait beaucoup à la café télé, machin, etc. Je me dis, ouais. Et je me dis, putain, il va encore me demander de l'argent. J'arrive à la caisse, la dame vient, je... Pip. Ah, ça passe pas. Pip. Pip. Elle me dit, je sais pas moi, un truc comme genre 7,30€. Et je compte l'argent que j'ai sur moi en monnaie. Je n'ai que 6€ ou un truc comme ça. Et puis je dis, ah ben je suis désolé, ben tiens, on va enlever cet article-là, j'ai pas à monnaie. Et puis frère, le gars arrive de derrière et fait, mais non, c'est mal, moi, comment ça? Ça m'est arrivé. Bon bref, on s'égare. Et tu n'as pas eu honte? Non. Non, je suis... Par contre, tu es reconnaissant. Oui, parce que ça le fait. Enfin, c'est énorme comme histoire. Ouais. Je veux dire, non mais toi, est-ce que éventuellement quelqu'un qui te semble dans le besoin t'a déjà donné quelque chose, Nessie? Oui. Qui? Alors, je sortais d'une super pâtisserie. J'ai donné ma tarte au citron que j'aimais beaucoup. Je l'avais même pas encore mangée. J'avais même pas croqué dedans. Je donne ça au SDF. Mm-hmm. Le monsieur la jette. D'accord. Ça et à quel moment ça, tu réponds à la question? Ça m'a dégoûté. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Je pense que Nessie avait choisi son histoire avant même que je pose la question. Ouais. Ça m'a dégoûté. Donc bonjour, comment tu t'appelles? Fort de France. On avance. Et sinon, quel âge as-tu? Je m'appelle Nessie. Non, ça m'a dégoûté. Tu t'imagines pas? Il l'a jeté. Ok. Il n'avait pas de besoin. Il voulait juste du shit. C'est de ma faute en même temps. Hein. On est parti d'une Yoshistrophe, c'est devenu une Yannick anecdote, tu vois, mais ça redevient une Nessistrophe. on y revient à toi. Bon, déjà, toi, franchement, honnêtement, tu passes un entretien d'embauche un vendredi, quoi. C'est bizarre. Et pourquoi pas? Il y a une loi qui interdit de passer des entretiens. Non, mais les gens, alors ceci dit, c'est peut-être malin parce que effectivement, le vendredi. Parce que les gens sont peut-être un petit peu plus détendus. C'était quoi comme boulot? C'était pour me charger de l'accueil des clients dans une banque. Ah ouais, c'est dire dans une banque, quoi. Non, mais moi, je suis même surpris que le vendredi, il y ait des gens disponibles pour des entretiens. C'est Moulin, il aura fait le pont. Depuis le mercredi. C'est eux qui ont inventé le pont. Le pont qu'on fait entre deux jours fériés, c'est eux qui ont inventé ça. Hein. Je sais pas, peut-être. Bref, ils étaient là, ils t'accueillent pour un entretien. Oui, ils m'accueillent pour un entretien. Déjà, la personne avec qui je suis censé avoir l'entretien n'était pas dans son bureau. Quand je suis arrivé au secrétariat, la secrétaire m'a dit il est en déplacement professionnel. Bizarrement, je passe devant le bureau de la personne, il est là. Mais il s'était peut-être déplacé à la machine à café et il était de retour. En déplacement professionnel. Et pendant tout l'entretien, en fait, l'entretien a essentiellement traité de l'apparence physique. Mais tu as l'accueil, c'est toi qui te charges de l'accueil, oui, c'est normal. Je suis d'accord, mais c'est pas comme si j'avais une apparence dégueulasse non plus. Alors attends, si je comprends bien, tu t'es fait donc refuser le job, sauf qu'on t'a verbalisé clairement que c'était ton apparence physique en fait qui faisait que t'avais pas eu le poste. Exactement. Est-ce que tu t'étais coiffé? Mais oui, je m'étais coiffé. J'avais démêlé mes cheveux, je m'étais coiffé, j'avais fait un beau chou bien. Attends, est-ce que tu ressemblais à Gollum? Non. Parce que ça peut faire peur aussi à l'accueil, les gens font demi-tour. Non, alors après, je peux comprendre que la présentation ait une importance à l'accueil. Mais franchement, tu regardes Yoshi, tu vois pas ni quelqu'un de repoussant, tu vois pas forcément quelqu'un... Moi, je le trouve peut-être physiquement un peu jeune pour faire de l'accueil. Effectivement. Maintenant, si tu penses que c'est la longueur de tes cheveux qui est en cause? Oui, je pense. Franchement, parce que je suis arrivé là vraiment propre, j'ai mis ma chemise... J'avais refait les contours de la même chemise que Tijo ou pas? Non. Non, parce que celle-là, par contre, je pense que tu travailles plus pendant 10 ans. Hein. Je veux dire, tout le monde fait passer le mot. Allô, tu vas recevoir un CV. Il a une chemise. Ne le prends pas. Non. Et puis après, ça raconte. Je fais allô, alerte rouge. Voici Jamaican style chemise qui arrive. Je suis habillé comme tu sais. Comment il s'appelle? Chronix. Vous avez vu Chronix dans son clip avec le jean un peu trop court, tu sais, on voit ses chevilles. On voit ses chevilles et avec la petite chemise Jamaican style, frère. Yeah, big up. Wow. Bref, tu la remets la semaine prochaine qu'on puisse montrer aux auditeurs. Quand je te vois habillé comme ça, Timal, je me dis on va le garder celui-là. Bref. Et donc on m'a dit clairement que pour le job ce sera, je cite, compliqué. Mais que pour un stage, sous convention, on peut éventuellement voir si c'est possible. Ah, ben moi je vois pas forcément ce que tu vois. À moins qu'il t'ait verbalisé que c'était tes cheveux le problème ou alors ton apparence physique, moi ce que je vois surtout, c'est que en fait, ils ont surtout pas en fait envie de payer qui que ce soit. Parce que les stages conventionnés, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'était un stage conventionné de combien de temps qu'ils voulaient te donner? Il m'a pas précisé la durée, il m'a juste... De toute façon, au-delà de 3 mois, théoriquement, je crois que... C'est payé, ouais. Ouais, c'est payé. Ouais. Mais peut-être que simplement, ils avaient pas envie forcément de débourser, ils cherchaient... Je sais pas, c'est bizarre quand même ces entretiens d'embauche où tu cherches une âme charitable. Je sais pas. Oui, mais après... Après, tu as un petit truc un peu malicieux dans les yeux. Ah bon? Ouais, et pour travailler dans une banque, le mec, c'est con, hein, mais c'est quand même des instances parfois qui sont un peu, entre guillemets, un peu vieux jeu, quoi. C'est-à-dire que, même si on sait très bien que, par exemple, ton chargé de compte, il a le bras entièrement tatoué sous sa chemise à manches longues, même si tu as déjà croisé, je sais pas moi, le mec qui t'a donné un crédit, là, pour acheter ta Clio, machin, etc. Le mec est complètement boulé en soirée. Ah, on vient là dans la banque! Le mec, genre, il débriefe sur sa journée. Ah, par contre, oui. Il y a des gens par contre qui font des trucs pas cool quand ils sont banquiers, c'est qu'ils commencent à parler de la, des comptes des gens. Vous avez déjà, ouais, vous êtes déjà tombé ouais, sur ouais, ça ouais. C'est normalement interdit. Ouais. C'est le secret professionnel. Hein, on n'a pas le droit de faire ça. Ben, on n'a vraiment pas le droit de faire ça. Ces gens-là, ils peuvent avoir des problèmes. Enfin bref, tout ça pour dire que la personne qui t'a reçu en entretien t'a dit que c'était ton physique qui était le problème. M'a insisté sur l'apparence physique. Donc à savoir les vêtements bien repassés. J'avais repassé ma chemise. Les cheveux bien coiffés, bien coupés. Tu as l'impression qu'il énumère un certain nombre de choses que je n'ai pas. Pour noyer, en fait, quelque part, un truc qu'il a vraiment à te dire, en ouais, fait. Ouais, je pense. C'est ce que j'ai vraiment ressenti, la manière dont c'était difficile. Moi, je comprends pas, en fait, ta démarche. On cherche pas du boulot un vendredi 7 octobre, frère, veille de week-end. Déjà, ta journée avait mal commencé, mais t'as tenté ton truc. Ouais. Tu penses vraiment que c'est de la discrimination par rapport au look? Je pense vraiment. Et ça se fait, en fait. Donc, je pense vraiment que c'est ça. Donc tes cheveux longs seraient en cause. Ouais. C'est pas une question de taille parce que tu aurais pas dépassé le comptoir d'accueil. Non. Tu sais, genre, les gens ils vont dans la banque. Non. Oui, bonjour, comment je peux vous aider? Mais qui a parlé? Les gens sont dans le hall. Eh ben ils ont installé des répondeurs à l'accueil. Qui a parlé? Et c'est la personne se met à genoux dans le plat où elle fait Seigneur Dieu, ce n'est pas. J'ai pas fait ça vraiment à Roger, c'est pas moi. Je savais que Dieu me parlerait un jour. La voix sort du comptoir. On voit pas la personne derrière. Bref, donc discrimination pour toi clairement. Total, ouais. Alors en même temps, Nessie, visiblement, elle n'est pas d'accord. Elle trouve qu'il faut avoir une présentation pour être à l'accueil d'une banque ou d'autre part d'ailleurs. Ouais, et puis les gens qui ont l'âge de nos parents, ils sont un peu comme ça, quoi. Je vois mes parents, t'as un peu les cheveux longs, tout de suite, t'es pas quelqu'un de bien. Oui, mais au final, est-ce que le problème, ce sont mes cheveux longs ou les qualifications que je peux avoir? Parce que je suis d'accord avec toi, mais tu es à l'accueil, c'est un poste à l'accueil, on te demande pas de taper. Les qualifications à l'accueil, c'est pas, voilà, c'est d'abord la présentation. Oui, non, mais je veux dire, il y a plein de choses, il n'y a pas que la présentation, il y a la manière de s'exprimer. Ouais, mais déjà là, ça freine. Oui. Oui, mais il y a déjà un frein. Il y a des fois où quand je vais dans les postes ou les choses comme ça, il y a des gens qui sont à l'accueil qui ont des locks. Non, mais pour être sincère avec toi, les seuls endroits où on voit des gens qui peuvent avoir un look un peu hallucinant, c'est quand on voyage, quand ils occupent des postes. Quand tu es artiste déjà. Alors, artiste. Kalash, je sais pas s'il pourrait. Alors putain, franchement, honnêtement, quand j'ai vu que Kalash a tatoué le nom de son fils sur son front, je me suis dit putain, ça a intérêt à marcher la musique, hein. Ah oui. Parce que c'est beau, c'est un super témoignage, mais à un moment ou à un autre, c'est aussi une occasion de pas reculer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on parle de chez nous. Effectivement, parfois, bon, t'as un petit tatouage que tu devines dans le bas du dos d'une nana, derrière le cou. C'est vrai que c'est moins choquant derrière le cou pour une nana, mais les tatouages dans le cou, sur le bras pour un garçon, c'est vrai qu'on on voit pas forcément le directeur d'une banque ou le responsable des ventes de je ne sais où, le responsable du magasin de Monsieur Bricolage. Tu vois, on voit pas forcément ça. Alors, en même temps, ça n'empêche pas qu'aux États-Unis, ça arrive. Aux États-Unis, dans d'autres pays, je suis sûr, Paris, dans la Caraïbe. Ouais. Il y a même pas besoin d'aller. Suis pas sûr. Ah si. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un problème. Tu vois les mecs sortir avec leurs costumes, les mecs ont des locks sur leur tête, ça gêne personne. Alors non, je suis pas d'accord avec toi. À Londres, effectivement, les mecs ont des locks et peuvent avoir un costume et peuvent être avocats et ce que tu veux. Ok. Dans la Caraïbe, par contre, mec, je suis désolé. Alors à Barbade, t'as vu ça? Oui. Effectivement. Mais Barbade, c'est pas vraiment la Caraïbe. Depuis Rihanna, c'est plus vraiment la Caraïbe. Grenade, il y a ça aussi? Non, pas exactement. Exactement, c'est très épisodique. Les gens, ils ont un style très anglo-saxon, ils font gaffe, quoi. Ils font super gaffe. Nous, notre génération, moi, regarde, je suis tatoué. Franchement, putain, ça a intérêt à marcher, la radio. Mais regarde Hugo. Lui, demain, pourquoi il fait pas de tatouage, Hugo? Pourquoi il garde ses cheveux comme ça, machin, etc.? Parce qu'il est douillet. Parce qu'il aspire à un moment ou à un autre à faire une pub pour Viveldop ou je sais non, pas, je vais fixation vous dire, si béton. Si jamais tatoue pas, c'est pour pouvoir donner mon sang. Non, alors c'est faux, c'est faux, idée reçue. C'est faux. Pendant les 6 mois après le tatouage. Je suis tatouée et je donne mon sang. Oh, ah merde. Oh, c'est seulement les 6 premiers mois. Tu vas être obligé de le faire en direct dans l'émission maintenant. Oh, mais c'était tellement beau quand il l'a dit. T'as encore une solution, on dit que c'est pour la péridurale. Ouais. Dis oui que. Dis que t'as eu une péridurale qui s'est pas bien passée. Non mais la péridurale, c'est pas pour les femmes enceintes? Oui, enfin, c'est même les femmes qui vont accoucher. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Pourquoi tu dis que Hugo a pris une péridurale? Ça fait aucun la limite. Je comprends pas ton truc. C'est quoi ton délire? Bref, tu m'embrouilles. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé derrière la radio hashtag G97, hashtag Trace FM, d'avoir l'impression de vous refuser un poste, un accès ou machin, etc. pour délit de faciès? Ou alors les tatouages un peu, soi-disant, mal placés ou pas? C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir avec les compétences de la personne. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on juge d'abord l'apparence. Mais attention, ça dépend de qui juge l'apparence. Moi, j'ai des tatouages, par exemple. Je m'arrête pas forcément à une personne qui a des tatouages en disant « Oh, lui ta petite larme à l'œil, là !» C'est dommage, hein, mais non. Non, il y a des gens qui s'arrêtent à cette apparence, et c'est vrai que c'est des gens d'une autre génération, souvent. Maintenant, il y a quand même des codes dans une société qui mettent du temps à évoluer. Et c'est vrai que peut-être que chez nous, c'est encore pire. Après, tu sais, un truc tout bête, j'ai quelqu'un de ma famille qui est directeur de supermarché. Ouais. Quand quelqu'un postule pour un boulot un de cadre, etc., quand c'est haut placé, il privilégie les gens qui sont mariés et qui ont des enfants. Parce que pour lui, ça veut dire que la personne est stable. Est stable, etc. Alors que pas forcément, en fait. Donc tout ça, c'est des idées reçues. Non mais toi aussi, c'est une idée reçue que tu te fais. Ta nana t'a largué il y a environ 2 jours. Il m'a largué parce que je suis pas en couple et j'ai pas d'enfant. Ils m'ont refusé le passe. Tu vas trop loin. Les cheveux peut-être, je peux comprendre. En même temps, t'as les cheveux longs. C'est vrai que... Alors, ça paraît bizarre à dire aujourd'hui. Mais en fait, je sais pas comment dire ça. Parce que les cheveux longs... Tant mieux, si tu les as, tu kiffes ton style. Mais en même temps, ça voudrait dire que tu voudrais pas changer forcément ton apparence pour rentrer dans un moule, en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire en étant comme ça. Hein. Par exemple, pour passer les concours, je sais pas, pour devenir professeur, ben il faut vraiment camoufler tout ça. Hein. Les piercings, faut les enlever. Pour les cheveux, c'est compliqué. Moi, je me suis posé la question également militaire. Tu sais, à une époque, ils avaient tous la même coupe, machin, etc. Je me suis demandé si ça s'était pas un tout petit peu relâché sur les la coiffure. Pour des pratiques, je pense pas. Ouais, non, pour que le casque rentre. Lui, il est pas casque. Avoir de ça, hein. Lui, il est pas casque bleu dans le 3e régiment. Lui, il est les casques cheveux. 0820-230-200. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression? Mais en même temps, non. On n'y réfléchit pas à ce genre de truc quand on se tatoue, quand on a un style, machin, etc. Après, il y a des métiers peut-être qui privilégient ce genre d'apparence. 0820-230-200 et hashtag G97, hashtag TraceFM pour nous faire des propositions sur le web ou racontez-nous simplement votre anecdote. On revient dans un petit instant. Il y a du Hey Baby Halo qui se prépare. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi j'adore. Et Doggy Massage! Et Doggy Massage! Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous dans les magasins DigiLife, centre commercial Genipa, Ducos ou La Jambette au Lamentin et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à condition. Le jeudi 13 octobre 2016 de 9h à 15h, tous au RSMA de la Martinique à Gondo pour une journée placée sous le signe de l'emploi et de la réussite. Que vous soyez un professionnel en recherche de salariés ou un jeune en quête d'emploi ou d'une formation, c'est votre journée pour décrocher un job ou un nouveau collaborateur. N'oubliez pas, le jeudi 13 octobre de 9h à 15h, job dating des entreprises, visite de nos 27 filières professionnelles. Le temps d'une journée, le RSMA devient le carrefour de votre réussite. Info line et inscription au 05 96 425 621 ou rendez-vous sur notre site rsma-martinique.org. Trace FM. Trace FM, premier.

Another girl who need feeling. Si on y a un tigre pour galop, ouais, nous sortis au pays. C'est pour des fois plus belle gale, on mettait au gras souris. A pas fort à moi, si on y a un tigre pour galop, ouais, nous sortis au pays. C'est pour des fois plus belle gale, on mettait au gras souris. Est-ce que c'est moi, ami? Comme moi, qu'il y a un ballon qui va au fait. Mais ton mélange. Petit chien c'est quoi et puis t'es passé la gogote. I know you know my slogan if it ain't about what I'm gone. Niggas say it cause I'm chosen from the concrete I had rolled. Shorty staring at my neck cause my diamonds really froze. But that tell it where I'm finna be on. Hey, hey, I'm be on that fuck shit. Hey. Mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, then I'm really never home. All these niggas clones, tryna copy what I'm on. Nigga, get your own, tryna pick a nigga bone. Where's your brother Skip, boy, I had a good day. Solid talk, not your PCS, check. Don't need no invite. Now watch me whip, kill it. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, watch me nae nae. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, watch me nae nae. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, ooh, okay. Watch me, ooh, watch me, watch me, you do. Watch me, watch me, you do. Just the body where me ever that them and I cry for. Just the thin body that them and I cry for. Just the body where me ever that them and I cry for. Body where me ever, just the body where me trace. Hey baby, loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm a loving when you love, baby. Oh love. Trace. Bust a whine for me, dilly like a bike round the corner. Bum pack a cup, yeah the right sweet, yeah maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Trace. Hold up on my body. Set it, broke off my back, yeah. Trace, if you set it, it's fine, I wear no trace. Set it, well I'm by my body, well I'm by my body. Love how me set it, set it, set it. Trace, if you set it, set it, set it. Roll on, set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Cos FM Génération 97. Le soir, y'a pas de limite. Merci d'être avec nous, Mada Guadayana, 0800 22 103 200. On vient avec Tijo Sand, une petite sélection que vous nous préparez sur le web. Hashtag G97, hashtag Trace FM pour réclamer vos titres. C'est week-end, on se détend. Il y a du Hey Baby Allo dans un petit instant. Ça, c'est celui d'hier soir. On a bien kiffé. On a appelé Laurence de la part de Gérald. On vous le remet en mémoire parce que dans un instant, eh ben, on va appeler en direct. Celui qu'on a, évidemment, on peut pas vous le donner, celui de tout à l'heure. On l'a pas encore. Vous nous envoyez les numéros de téléphone. On va choisir la meilleure personne. Vous nous proposez les personnes que vous voulez piéger. Ça ressemble à ça. Allô? Hey baby, allô? Allô? J'espère que je vous dérange. Oui. Pardon, Hamdoula. Oh, c'est pas Kalash. Everybody know. C'est pas Kalash. Oui. C'est pas Kalash qui me parle là. Je sais pas, mais c'est pas Kalash. Tu veux que je t'insulte? Tu finis mes phrases avant moi. Non, c'est pas Kalash qui est là. Kalash a une plus grosse voix. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a? Ben, je sais pas. Hein. Comment? Je te passerai là un bague au doigt, je suis charmé. Je t'aime beaucoup. J'ai pas compris. Je t'aime beaucoup. Je touche dans le noir comme au cinéma. Non, je veux pas. Oui. Non. Waouh, je suis timide là, je ne pense que je suis à la radio. Oui. Je sais c'est qui, je sais qui est-ce qui a fait ça. Égal. Français cher. Merci, gros bisous à vous. Oh, je suis mignon. Toi aussi. Donc ça, c'est un exemple de Hey Baby Allo, celui qu'on fait en direct ce soir. Il débarque dans un petit instant dans la Trace Radio 0820 203 200. On sait déjà qui on va appeler ou pas? Ouais, on va appeler Christiane. De la part de? De son fils, de sa fille, Sloane. Ou son fils, Sloane. Tu l'as eu au téléphone, Sloane, ou pas? Non, message, donc je sais pas si c'est... Mais des fois, tu aurais pu l'avoir au téléphone et tu n'aurais quand même pas bien. Ça arrive, hein, tu sais. Allô, c'est Sloane. Bonjour, ma petite. Je suis un garçon. Bref. Sloane, en tout cas. D'ici là, on est en mode Yoshi Strophe dans la radio. Et oh, les cadeaux là. Je vais garder ça, je pars. Putain, ça m'énerve. Ce mec, il sert à rien, putain. Coup de stylo. On a des cadeaux dans la radio, frère. Ça fait 1h05 d'émission. On n'a toujours pas fait de jeu, frère. Explique-moi. Ça veut dire que tous les cadeaux là, chaque fois je me fais chier à les décharger de ma voiture, je repars pas avec ce week-end. Les gens là, vous savez quoi? Appelez là, appelez. Donnez-lui du boulot là. Mon standardiste là, je le trouve trop en mode gratte-couille là. 0820 203 200, vous le saturez d'appels. J'offre des gros cadeaux à qui emmerde le plus mon standardiste derrière son téléphone. 0820 203 200, allez-y. Balancé, tarif d'un appel local, je vous rassure. L'histoire n'est pas de prendre de l'argent, c'est au tarif d'un appel local que tu appelles de Martinique, de Guadeloupe ou de Guyane. Ok? Tu appelles notre standardiste, tu récupères tes cadeaux. Anne-Sophie, d'ailleurs, tiens, toi, est-ce que tu as bien embêté notre standardiste au téléphone? Oui, je l'ai bien embêté. Tu l'as insulté un peu ou pas? Non, je l'ai pas insulté, mais je l'ai bien merdé. Hein, et vous savez ce que vous pouvez faire qui est très énervant pour un standardiste? C'est quand vous appelez, vous décrochez votre téléphone et vous faites juste... Et tu raccroches derrière, Didi. Et si vous pouvez rajouter quiche, la bêtise sous comment? Tu raccroches derrière. Après tu rappelles et tu fais quiche, inutilité sous comment? Et tu raccroches. Ok? 0820 203 200. On y va. Qui que ce soit, Ludwig, vous composez le numéro de téléphone, on vous rembourse l'appel. Appelez-nous et surtout emmerdez-moi ce standardiste, faites-le bosser. T'es là pour quelque chose, toi? Anso. Oui, ben je suis là pour réagir au sujet. En mode là, tranquille quoi. On va parler par famille, hein. Ok, bon ben on y va, on rappelle un petit peu. Ça voit trois collègues. Oui, c'est pas mon collègue, hein. Il est. En fait, je t'explique. La raison pour laquelle il cherche un boulot, c'est parce que je ne le paye pas. Donc techniquement, c'est pas son collègue. Voilà, donc techniquement, il n'est pas mon collègue. Et d'ailleurs, je connais très bien les conventions de stage. Ça fait 8 que je lui en signe. D'une semaine chacune. Je crois pas que ce soit très légal, mais bon. Bref, tout ça pour te dire que on resitue un peu la situation pour ceux qui nous rejoignent à peine. Yoshi, ce matin, t'as fait un entretien dans une banque pour être à l'accueil, en fait. Exactement, ils cherchent véritablement quelqu'un pour faire l'accueil. Ouais. Ils cherchent quelqu'un pour faire l'accueil, en fait, et quand j'ai appelé en début de semaine, on m'a fixé le rendez-vous pour ce matin. Il se pointe ce matin, il rencontre le gars, sauf que ben très rapidement, dans l'entretien, il se rend compte que ça le fera pas. Et pourquoi ça le fera pas? Ça le fera pas tout simplement parce que l'entretien tourne autour de l'apparence physique, de la coupe de cheveux, de la manière dont on est habillé, etc. Alors, pour vous décrire Yoshi, on va vous mettre une petite photo d'ailleurs. Ou alors, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu comme le Hobbit, là. Okay. T'as une image qui t'est venue. Alors Anso, j'aimerais savoir à quel personnage du Seigneur des Anneaux tu as pensé. À comment il s'appelle? Frodon. Frodon. Alors, il y a Frodon. petite apparence un peu juvénile, machin, etc. Alors, il faut que tu regardes du côté des nains. Voilà, c'est ça. Il faut que tu regardes, pour Yoshi, il faut que tu regardes du côté des nains, mais avec un petit peu de barbe, tu sais, sur les côtés, et surtout les cheveux longs. Tu vas voir tout de suite. On va vous publier la photo sur les réseaux sociaux. C'est un mélange de Legolas et de Gimli. Alors ça, par contre, c'est pointu, je sais ni qui. Le nain et l'elfe. Ok. Bref, Anso, tu voulais réagir. T'as déjà eu la sensation, toi aussi, d'être exclu physiquement? Non. Moi, je travaille à la banque, je suis désolée, pour Yoshi. Mais quand on travaille à la banque, il faut être présentable. Parce qu'un client qui voit qu'on est, désolé, un chien, je dis le terme comme ça, il voit la direction, dire vous avez tel collègue, tel collaborateur qui est mal habillé, qui est mal coiffé, on ne veut pas de ça. Parce que quand on rapporte l'argent, il faut être carré. Tu peux avoir des cheveux, mais avoir les cheveux tirés, être bien habillé, avoir ta chemise, être bien habillé. Moi, j'ai des tatouages, j'ai des piercings, je ne montre pas au client. Le client n'a pas besoin de savoir ma vie privée. La vie privée, c'est la vie privée, la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Donc tes cheveux, tu veux les avoir, mais au moins, ils faut être propres. Donc ça veut dire que concrètement, quand tu as tatoué les plans de la prison sur ton visage, tu n'as pas le droit de travailler à la banque, en fait. Ah non, pas du tout. Michael Scofield, si tu nous écoutes, la reconversion, ça va être difficile. Désolé. Ok, t'as des tatouages, t'as quoi comme tatouage? Alors, j'ai une plume et j'ai une phrase. Ok, c'est quoi la phrase? Je suis très maco, moi. Never give up. Never give up. Ah, tu adores Sean Paul. Never give up to me. Non, c'est pas cette chanson-là, peut-être. Donc, des tatouages, non, ça le fait pas à la banque. Des piercings apparents, ça le fait pas à la banque. Mais attention, je vais peut-être te choquer, ma belle. Mais attention, peut-être que tu t'es fait une image de Yoshi en mode je sais pas moi Jaguar Gordon, Joey Star, je sais même pas quelle image. Non, moi je t'assure. Alors en fait, c'est vrai qu'avec sa petite barbe naissante et ses cheveux longs, il fait plus penser à un personnage de la planète des singes qu'effectivement à un gars qui a envie de travailler, c'est vrai. Mais moi, sincèrement, je le regarde comparativement à lui. J'ai des tatouages sur le bras, j'ai des tatouages sur les deux bras, j'ai un tatouage dans le cou, par exemple. J'ai juste intérêt à des piercings partout. J'ai des piercings partout, arcade, lobe, etc. Et après, il y en a des cachés, mais qui ne concernent pas l'entretien. Ça dépend, sauf si je veux faire du porno. Et en fait, tout ça pour te dire que Yoshi ne correspond en aucun cas à tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que quand même, on va d'ailleurs te permettre, et vous aussi derrière la radio, d'identifier Yoshi, parce que mine de rien, le mec, franchement, je trouve pas du tout en mode prison break, quoi. Je trouve plutôt propre, plutôt serviable. Alors moi, j'ai même avancé que c'est le fait qu'il soit jeune qu'il ait pas eu ce poste. Parce que possible. Il a des cheveux, il a déjà un CDI encore. Mais quand on vient d'arriver. Si c'est pour un stage, il faut être vraiment opérationnel. On sait très bien comment les gens pensent ici. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Anso, parce que ça veut dire que concrètement, le mec qui fait tous les entretiens d'embauche et qu'à voir arriver en moon, bien coiffé, bien repassé, WhatsApp, tout bitin, bien glacé, comme on disait, tu vois, bien glacé, bien propre, machin, etc. La vérité, c'est qu'une fois que tu lui as signé son CDI, ça sera plus pareil. Donc pourquoi pas prendre un mec dès le départ qui annonce la couleur? Je comprends pas. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. T'as déjà eu l'impression d'être rejeté par rapport à un poste, par rapport à ton apparence physique, ou alors non, toi t'as pas de piercing, t'as rien de tout ça en fait, Lilou. J'ai un tatouage, mais il est pas placé de façon visible. Ouais. Donc, tu es en mode undercover, quoi. Tu sais, genre gangster la nuit, et femme en comment on appelle ça, les petits trucs là, comme ça, quand t'es habillé en tailleur, voilà. Nessie, t'as déjà eu l'impression d'être repoussé par rapport à ton aspect, non? Non. Jamais? Pas forcément pour un entretien d'embauche, hein, mais les gars sont... Tu as peut-être été, je sais pas moi, bloqué à l'entrée d'une école maternelle. Non, t'as dit non, le primaire c'est par là-bas. Jamais. Maë? Oui. Jamais? Jamais non plus. Putain, mais il y a que des gens qui s'insèrent dans la société parmi nous, Yoshi. C'est chaud, ça brille. Tes cheveux longs, toi t'es bien placé, cheveux longs. Ouais, mais visiblement j'ai jamais postulé à la banque. Et les entretiens d'embauche, je m'arrange pour être malade le jour où ils arrivent. Non, mais il y a des métiers où c'est clairement stipulé que les tatouages, je sais pas si c'est légal, hein, mais il y a des métiers où c'est clairement stipulé que les tatouages et trucs comme ça, ou les signes distinctifs apparents sont interdits. Par exemple, les policiers, ils ont pas forcément le droit d'avoir des tatouages ou des signes comme ça distinctifs apparents. Après, c'est vrai que, imaginons, on projette dans le futur, imagine-toi le pilote de l'Airbus, ok? Le mec, il arrive et il te laisse deviner dans son cou des flammes d'un tatouage énorme qu'il a dans le dos, et il monte dans le cockpit et il fait « Bon voyage !» À l'arrêt, chauffeur. Je descends. Donc, ben, voilà, tu vois, donc on est quand même dans une société où le regard des autres a quand même un impact. Hugo, tu t'es jamais fait refouler, toi, dans un métier? Non, jamais. Jamais. Même pas pizzaïolo. Il y a des fois, on me trouve trop jeune ou ce genre de truc, mais ouais. Sinon, non. Ouais. Non, non, moi, est-ce que j'ai déjà perdu un boulot? Ah, moi, c'est difficile parce que, vous savez, en fait, j'ai toujours fait essentiellement que de la radio ou dans le monde des médias. Et c'est vrai que, par contre, effectivement, quand tu as des tatouages et que tu as décidé éventuellement de pas vendre de drogue dans ta vie, je suis désolé, je fais un raccourci, hein. C'est vrai que les gens ont parfois un petit peu du mal avec ce que tu exposes. Ton apparence, ton look, ta crête, ou alors ta queue de cheval, ou tes locks aussi, soyons clairs, hein. Les locks, qui s'épanouissent très très bien en Guadeloupe, ça dépend des milieux, mais la plupart du temps, des locks sont pas toujours admises partout dans le monde. On a des pays comme Londres où tu vois des mecs qui sont avocats qui ont leurs locks, mais en même temps, dernièrement, il y a un flic qui est pareil en Angleterre, il était steward, pardon, je crois, on lui a fait couper ses locks. C'était pas un mec d'Air France d'ailleurs, c'était un mec sur une compagnie aérienne, ouais, mais ça me dit quelque chose. En même temps, c'est vrai que parfois, ce qu'on choisit de rendre définitif dans notre look peut complètement forger notre chemin pour la suite, quoi. Moi, je sais pas, mais tes tatouages, tu les as faits de manière discrète. Mais demain, est-ce qu'il y a un truc que tu rêverais de faire, mais que tu ne peux pas faire par rapport au fait de travailler à la banque, à part la braquer? Apparemment, il y a que ça. D'accord, ok. Il y a que ça. Ben, je me dis que si quelqu'un veut faire des tatouages visibles, il se dit qu'il va se mettre en auto-entrepreneur ou va faire. Ou alors, va cultiver des dachines, des poyons, ne nous emmerde pas et fais les tatouages que tu veux. Ok, voilà. Ça marche. En fait, le problème, c'est que quand on travaille dans une entreprise, on a une clientèle. Mmh. Le problème, c'est que la clientèle, elle est... le client, il est roi. Mais dans une boutique branchée, de fringues, dans une discothèque, un bar, éventuellement un restaurant. Mais c'est pas le même monde, on peut pas mettre tout. Tu veux dire que donc à l'administration, c'est impossible. Genre, bonjour, votre formulaire E224 qui laisse deviner un tatouage, c'est pas possible pour toi. Ça dépend, ce tatouage dit quoi, petit tatouage. Moi, mon tatouage, ça dépend quel vêtement que je mets. Il se voit, et puis on va me dire, mademoiselle, vous avez un tatouage. Mmh. Mais si j'avais un gros, gros tatouage, je pense que ça serait déjà remonté à la direction. Qu'il a tatoué la moitié de son visage, tu sais. Et il fait tout l'entretien de profil, comme Nessie. Tu sais, en mode égyptien. En mode comme ça. Ouais, mais pourquoi vous ne me regardez pas, monsieur? C'est mieux comme ça. Qui avait des cheveux, il avait des cheveux qui ne coiffaient pas. Il y a une cliente qui a écrit à la direction pour bio que c'est inadmissible. Mais les gens sont incroyables, hein. C'est inadmissible. Alors, nous, on est obligé de se tenir à KO. Ouais. Parce que franchement, les clients, je vous dis... Pour le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes. Voilà. On a Melvin qui nous rejoint du côté du standard, bouge pas Anso. Melvin, lui, il est du côté de Mada, 31 ans, Lamantin. Bonsoir Melvin. Bonsoir Melvin. Ça va bien. Excuse-moi, j'ai juste fait un réglage de basse par rapport à ta voix. Ça va? Ouais, super. Essaye de pas exploser, mec, parce que je sais que tu retiens ta respiration. Je sais le faire aussi, mais je vais faire exprès de te faire parler longtemps pour que tu exploses. On t'écoute, Melvin, tu voulais réagir? Bah écoute, moi je trouve ça un petit peu dommage qu'on reconnaisse quelqu'un par rapport à ses cheveux, en fait. Pour moi, c'est pas un critère, si la personne est qualifiée et tout, c'est un peu dommage, quoi. Alors, je sens qu'il y a de la revendication. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Ça m'est déjà arrivé, mais pas forcément pour les cheveux, mais pour la barbe. Alors raconte, mec, explique-nous. Bah écoute, j'ai pas un entretien d'embauche, bon déjà je suis plutôt super rené alors que je suis pas du tout rené. Ouais. Bah écoute, j'avais une barbe un peu longue. Ouais. Le mec, il a cru que j'allais poser une longue chemise, quoi. Ah ouais, genre t'as le faciès en ce moment qui fait l'amalgame avec l'islamisme extrémiste. Ouais, ah. Ouais. Ouais. Mais en même temps, tu cherches la merde, mec. Marasse-toi. Oh. Non, je rigole. J'aime bien la barre, moi. Je trouve ça cool. Ah, c'est lui, Melvin. Ah oui, mais tu es en mode Al-Qaïda, mec. Tu es en mode Al-Qaïda. Ah, ok. Bon, bah, écoute, Melv, sincèrement, blague à part, il y a quand même des métiers où ça choquerait certaines personnes d'avoir... un physique un peu différent, un peu hors norme, ou alors des signes distinctifs un peu hors norme. Ouais, c'est un petit peu hors norme, mais tout ça en même temps, c'est bon, si t'es bien qualifié, ou même t'es même surqualifié pour le métier que t'es en train de postuler, moi je suis désolé, je te prends pour tes compétences. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis dans ma vie. Oui, mais c'est parce que tu fais partie de cette génération qui a déjà commencé à décorer son corps. Je veux dire, c'est une question de timing. Le sujet qu'on a là ce soir, c'est une question de timing. Parce que quand on sera au pouvoir, si ça nous arrive un jour, mais quand on sera au pouvoir, notre génération, ça sera plus pareil. Un mec qui sera tatoué, qui sera la même génération que nous à un moment ou à un autre, on comprendra beaucoup mieux en fait ce qu'il a traversé et que forcément le tatouage fait pas forcément l'homme. Tu vois, entre l'histoire des tatouages, quand on les faisait, dans les années 70, 80 et 90, il y a un monde, quoi. Il y a un monde aujourd'hui, le tatouage est beaucoup plus ornemental qu'il n'a une réelle signification. Je sais que ça énerve beaucoup les tatoueurs, ce que je vais dire, mais c'est vrai que les gens enjolivent leur corps, et parfois pas du tout, ils font le contraire, ils ne font pas exprès, mais ils enjolivent leur corps, et c'est à but décoratif. C'est pas forcément dans le but de traduire, bon, à part quand tu marques 1, 2, 3 sous ton œil gauche, pour dire que tu as tué 3 personnes, quoi. Mais, enfin bon, ouais. Et puis même, il y a des mecs qui tatouent l'alarme sans avoir rien fait, tu sais, en se disant, je vais me faire beaucoup plus respecter comme ça. Ça arrive aussi, ça arrive. Ouais. Après, les tatouages, ça fait plus gangster, les tatouages. Limite, moi, aujourd'hui, dans notre génération, un mec qui a pas de tatouage, je trouve ça super chelou. Je me dis... À quel moment le mec a le temps de se photoshopper comme ça en live, en direct, en permanence? Je me demande, parce que tu sais, même les acteurs aujourd'hui sont tatoués. Les acteurs, il existe une gomme, par exemple une pommade en fait qui permet de dissimuler en fait les tatouages. Donc même en ayant des tatouages, en étant dans un métier extrêmement visuel, tu as la possibilité de passer au travers. Donc, et mais en même temps, les acteurs restent des artistes. Donc peut-être que effectivement, on tolère quand c'est un artiste et on tolère un peu moins quand c'est autre chose. Melvin, tu fais quoi comme métier si c'est pas indiscret? Ah ouais, c'est bien le Melvin que je connais. Ouais. Ouais, ah, ouais. C'est-à-dire que quand on t'a embauché, on s'est pas dit t'allais voler les voitures. Bah, on m'a rien dit de particulier. Ouais, mais non, mais tu es tombé sur... En plus, ça peut être considéré vendeur ou commercial, par exemple, ça peut être considéré comme un métier notamment bah, où l'aspect, la présentation est importante. Mais tu avais déjà coupé tes cheveux. C'est important dans mon métier. Melvin, tu avais déjà coupé tes cheveux. Non, mais encore, j'avais pas encore fait de coupe, ni de barbe, ni de cheveux, rien. Alors, franchement, honnêtement, tes cheveux là, tu les trouves longs ou ils étaient plus longs avant? Ouais, j'étais plus loin avant. Alors en fait, avant t'étais Jésus et là tu viens de changer de religion. Bouge pas, raccroche pas, on a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Qui est là? Allô, bonsoir. Yo. Allô, bonsoir. Attends, c'est pour un canular, c'est en préparation. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais là? La personne qui est juste à côté. C'est elle. Ah, Massia, c'est pour un canular? Oui. Pourquoi tu me dis qu'il y a des réactions alors? Je t'ai jamais dit ça. Alors pourquoi tu me parles pas pour me dire qu'il n'y a pas de réaction? 0820-230-200 hashtag G97 hashtag Trace FM, on revient tout de suite. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et Doggy Massage. Et Doggy Massage. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97. Aussi dispo sur trace.fm. Le festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hines, Pai, Missy Sadik et beaucoup d'autres. C'est bien vous qui faites moins vie, Angel. Caribe

calme, voilà, faut que tu fais partie. T'es bête armé, chez nous y'a les bravas. Dans mon sol, les fils de pute qui parlent, mais des légas. Tous ces enfoirés, c'est qui passe au mar, ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de paix, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à fou d'être la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde, piston et puis fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Fais le mou, fais le mou. C'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox c'était pas de ma team, Paname c'est la Champions League, on reste en Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox c'était pas de ma team. On reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré tout prend ses méthodes. Apprends que Marseille il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue mon gars, place au combat. On chie pas le pas, paye j'en teste. Mon pote qui va gérer mes vêtements. Et ma j'ai ça tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein mon ami, c'est bon l'enfoiré, arrête de bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Malé. Fuck les amis, nous j'y vois pas vie. À 11h je vis ça à Bordeaux. Appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux parler d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâtez appétit, gâtez appétit, appétit. Gâtez appétit, gâtez appétit, appétit. Gâtez appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux parler d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Hashtag G97, hashtag TraceFM, Tijo Sound derrière les platines. Il y a du canular qui se prépare tout à l'heure. Il y a la Yoshistrophe aussi qui va revenir. Et puis un peu plus tard, on appellera les cocoteurs. C'est l'homme aux trois jambes ce soir. Ouais, c'est le pseudo du mec hein, qu'on a chopé sur un site de rencontre. Lui, il a, déjà, il a un pseudo qui... Il est sympa, le pseudo. Ça fait rêver, le pseudo. Ça te fait rêver, peut-être. Non, non, bien joué. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Ici, la radio est libre tous les soirs sur... TraceFM. FM. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. 0820-203-200, Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Hashtag G97, hashtag TraceFM, le sujet sur l'apparence et le boulot. Ou alors, quand ton apparence peut t'empêcher de rentrer à certains endroits aussi, c'est le cas. Le délit de faciès. Alors c'est rigolo parce qu'il y a quelques réactions quand même sur le web. Hein. Il y a notamment le mec qui a posté carrément un tweet de Robert Mugabe. Très drôle. Robert Mugabe qui dit « Grâce à la génération actuelle, dans 50 ans, il y aura des vieux et des vieilles avec des tatouages et des piercings. » Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pense pas forcément aux conséquences, mais aussi on est aussi forcément une des générations qui essaye d'être le jeune, le plus qui essaiera, en tout cas je pense d'être jeune le plus longtemps que possible. Des petits dauphins qui vont ressembler à des grosses baleines. Oui, ça peut arriver, mais quand tu prends par exemple des gens qui ont 40 ans ou 50 ans aujourd'hui, tu leur donnes pas leur âge. Ouais. Donc franchement, en toute honnêteté, où sont les milfs ? Imagine-toi les gens de la génération super tatoués, machin, etc. Quand ils auront 50 ans, ça se trouve, ça passera crème. Hein. Ça se trouve, ils ont déjà 50 ans et tu le sais pas. Non, peut-être pas exagéré quand même. Hein. Franchement, non, honnêtement. Non, non, non. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les tatouages. Par contre, quand tu commences à tatouer le visage, je me dis quand même... Je me dis, tu vas passer un cap, quoi. Mais si, c'est toi qui dis ça. Tes sourcils sont tatoués, qu'est-ce que t'as eu? Oui. T'avais tatoué tes lèvres aussi? Non. Qu'est-ce que t'avais fait quoi? T'avais fait le contour de tes lèvres. J'avais essayé. Putain, un jour, on raconte ça aux auditeurs ou pas? Mais oui, on raconte. Mais non, parce que j'ai... Mais oui, on raconte. Chut, tais-toi. Ça va pas être long. Assieds-toi. Un jour, Nessie nous parle sur WhatsApp. Hé les gars, j'ai un truc à vous dire, mais faut pas rigoler. Et déjà là, tu rigoles. On sent, malgré le fait que ce soit écrit, un petit sanglot dans sa voix ou dans son écriture. Tu sais, genre, il y a un truc qui s'est pas bien passé, quoi. Je sais pas si je peux vous envoyer ça. Je l'ai pas envoyé, il y a que Nestlé qui l'a eu. Non, tu nous as envoyé Je vous ai montré la photo. C'est parce que si je l'avais envoyée... C'est Nestlé qui me l'a envoyé, Ah oui, c'est Nestlé qui me l'a donné. D'accord. Je l'ai envoyé à Nestlé, je sais qu'elle ne l'a envoyé à personne. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. On vous l'a montré. D'accord, ok. Donc on l'a vu, au final. Qu'est-ce qu'on avait? Comment on peut décrire ça? C'est comme si Kermit la grenouille était métisse. Non, sérieux, c'était si affreux que ça. Tu vois, ah ouais. tu vois la nana dans Gremlins? Dans Gremlins. Oui, là. Oui. Enfin, la femelle Gremlins. Ouais. Eh ben c'était ça. Elle avait des lèvres. Magnifiques lèvres. Hein. Mais dommage qu'on voyait plus ses yeux. Hein. Ouais. T'avais fait tatouer toutes les lèvres. Même et mon un peu mec autour. A eu peur. Ouais. Mais le non, contour. Mais c'était impressionnant. D'ailleurs, j'ai juste fait le contour. D'ailleurs, je pense qu'il a attendu que ça soit complètement désenflé avant de se fiancer avec toi. Hein. Eh ben t'as de la chance que ce soit parti. Heureusement. Ouais. Ah ouais, mais on a l'impression qu'elle a gonflé ça avec du collagène. Ah ouais, c'était impressionnant. On aurait dit un mélange entre Angelina Jolie et Morgan Freeman. C'était Courtney Love, ouais, peut-être Morgan Freeman. Je sais pas, c'était bizarre. C'était super space, ah ouais. Quoi. La nana, les trucs ratés. Ah ouais. Tu sais, j'avais l'impression que Manzel, si elle montait dans une décapotable, tu sais, et qu'elle sourit pendant que le mec est en train de passer la seconde, t'entends. Tu sais, genre, la meuf, elle avait deux parachutes, en fait. Elle avait la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, quoi. C'était un truc de dingue. J'avais fait les yeux aussi. Alors, les yeux, c'était incroyable aussi. Alors, il était une fois. Et les gars. On reçoit un WhatsApp. Ne rigolez pas. Non, mais vous allez rire, je vous connais. Bon, je vous envoie la photo, mais vous faites pas tourner, les gars. Hein. Vous connaissez? Ouais. Elle nous envoie quand même la photo. C'est pour ça que je comprends aujourd'hui qu'il y a des filles qui ont encore des sextapes qui circulent sur le web. Je dis ça, je dis rien. Donc, elle nous envoie la photo. On a été sympa, on l'a pas fait tourner, la photo. Mais par contre, sur la photo, franchement, Sabri, comment on décrit ça? C'était un personnage du monde de Nemo, tu sais, mais qui venait d'être pêché. C'est-à-dire que concrètement, on avait l'impression que le fait qu'elle est tatouée, tu vois, ses yeux, même les yeux avaient dit, je reste pas là, les gars. Et tu sais que, heureusement qu'elle a les yeux un petit peu plissés parce qu'ils essayaient de sortir chaque fois, tu sais, ils essayaient de se barrer. T'avais fait le thread eyeliner? Ouais. Mais ça n'a pas pris, le pigment n'a pas pris. En fait, c'est une copine qui était, elle passait son examen. Tu étais son cobaye. Voilà. Parce que tu voulais pas payer. Je peux pas faire le. Et pour les lèvres, c'était pareil. Tatouage des lèvres, rien ne prenait. Les pigments ne restaient pas. Elle a eu son diplôme. Oui, elle a eu son diplôme. Donc par contre, tu vas me dire hors antenne qui c'est. Je vais monnayer cette information. Donc ça veut dire que la personne en fait qui t'a fait ça, qui t'a fait ressembler à Gollum, mais c'est ça. Mais c'est Gollum. C'était Gollum, tu sais, les yeux tout gonflés, tout ronds un peu à la manga, tu sais, machin, etc. Qui a les yeux qui sortent presque de leurs orbites, tellement les yeux ils font deux tiers de la tête, tu vois. Et bah, c'est exactement ça, c'est Gollum. Et bah, tu vas me transmettre les coordonnées de cette personne parce qu'elle est en. Elle est en liberté là. Elle est en liberté là. Oui. Elle travaille. Il n'y a pas eu de procès encore. Elle s'est améliorée depuis. Hein. Ouais. Mais je suis allée voir quelqu'un d'autre pour faire la retouche. Alors. 0820-203-200 également sur le net www.trace.fm. La copine de Nice, si tu nous écoutes. Ah, ça, c'est une vraie copine. Hein. Vas-y, massacre-moi le visage, c'est pas grave. Mais t'as de la chance que ce soit pas resté quand même. Hein. Dommage que ce soit pas resté. Non, elle a de la chance. Non, c'est resté, regarde. Ah oui, regarde, effectivement. Elle n'est pas née comme ça. Hein. Effectivement, quand on te regarde, effectivement, Lilou, heureusement que c'est pas resté. Tu l'as fait aussi ou pas? Ah non? Non, c'est quelle. Je crois que j'ai fait une connerie, les gars. J'ai pas fait exprès celle-là, mais je crois que j'ai fait une connerie. Ouais. Bon, bref, hashtag G97, hashtag TraceFM. On a Massia qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir, Massia. Allô. Bonsoir. Ça va, tranquille, posé, bonne humeur. Oui, toujours. La joie, la gaieté. Toujours. Eh ben, on y va. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est Platinum Style. Ouais. Le son de Nessie. Attention, jingle. C'est ton quart d'heure, c'est ton quart d'heure. Et voilà Massia. Alors Massia, t'es là pour du canular, je crois. Oui, tout à fait. Tu veux piéger qui? Alors, c'est un pote à moi. Tu veux piéger un pote à toi? Oui. Ok. Comment on peut faire ça? Alors, comment dire? En fait, je vais lui faire croire que je suis enceinte. Ouais. Mais en fait, je suis en couple, selon lui. Alors, attends, on commence par le début. Tu es enceinte vraiment ou pas? En fait, non. En fait, comment dire, je vais reprendre. Je suis en couple. Ok. Et en fait, j'ai dit à mon copain que je suis enceinte, mais que ce n'est pas de lui. D'accord. Donc, il veut savoir ce qui le fait. Hein. Ok. Mais pour me protéger, j'ai dit que c'est le cousin de mon père. Pour te protéger de ton copain qui croit que tu es enceinte. Fais un schéma. C'est un schéma. En fait, c'est un schéma. En fait, on va dire que pour protéger la personne, le père, le vrai père, il lui dit en fait que c'est le cousin de mon pote. Vous avez 2 heures. Donc si j'ai bien compris, ils sont tous. Vous avez 2 heures. Épreuve coefficient 8. Ok. Donc si j'ai tout bien compris pour savoir si je suis reçue à l'épreuve, en fait, on appelle ton meilleur ami en se faisant passer pour ton mec, en lui reprochant en gros que ton cousin t'est engrossé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Non, mais attends, c'est qui le cousin? Ça va se passer au mode Lannister là en non, fait. Non, alors, en mode Game of Thrones, mais c'est, je sais pas pourquoi je trouve que la série est beaucoup plus agréable à écouter et regarder. Mais alors, en fait, concrètement, il y a 3 mecs dans l'histoire, c'est ça? Voilà, tout à fait. Sincèrement, ma chérie, il y en a un de trop, quoi. Ah ouais, il y en a un de trop. Faut qu'il y en ait un qui meurt. Il y en a un de trop. Moi, je pense qu'à la limite, on peut en supprimer un. Tu vois, genre, le cousin, il fait la moitié de l'épisode, baf, il dégage. Voilà, tu le cousin, tu le cousin. On est déjà au 3e épisode, saison 4, ok? Donc, on se concentre sur 2 mecs. Donc, il y a ton mec qu'on va interpréter, et il y a le mec qu'on veut piéger. Déjà, ça simplifie l'histoire, ok? Est-ce que tu es vraiment enceinte ou pas? Non, c'est pas vrai, mais pas du tout. Ça complique la chose. Parce que c'est bien quand le canular parle un peu de vrai. Mais bon, admettons, c'est un truc qu'on va pas pouvoir vérifier immédiatement, d'accord, ok. Pff, tu as décidé de faire croire que t'es enceinte à ton meilleur ami. Alors, le truc, c'est que, en fait, ton meilleur ami, lui, il doit comprendre quoi? Tu es enceinte de ton mec. Non, que je ne suis pas enceinte de mon mec. Et en fait, je vais lui demander des conseils. En fait, je vais lui faire un peu peur, quoi, en fait. Est-ce que c'est pas l'inverse, en fait, qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pas appeler ton meilleur ami en lui disant, voilà, tu es enceinte. Je suis enceinte de mon mec. Le problème, c'est que le mec est super lourd. Il est super pas agréable. C'est un super loulou, machin, etc. Je veux pas ça pour éduquer mon enfant. Le problème, c'est que je ne sais pas comment le quitter. J'ai pas trouvé d'autre solution que lui dire que c'était toi le père. Et là, on lâche le loulou sur lui. C'est d'un coup plus simple. Président. Non mais tu peux pas t'auto-décréter juste le président. Il y a des gens qui le font dans des pays d'Afrique. Ouais, mais ils meurent à la fin. Non, ils sont toujours en poste, même 60 ans après. Ils changent chaque fois la constitution, mec. Bienvenue dans les États-Unis des Antilles-Guyane. Voilà, j'ai décidé. C'est moi le roi, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai dépatouillé ce canular. Ça avait l'air plus simple aussi quand on m'avait expliqué Keshi, hein. Mais j'aurais dû me méfier. Keshi nous a dit, hey, les gars, j'ai une idée pour le canular. Ça commence mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Donc, on récapitule, ok? Pour voir si Sabri a bien compris. Explique-moi l'histoire. D'accord. Alors, je pense dire à mon pote que je suis enceinte, mais comme mon copain il est lourd, donc j'ai fait croire que c'est lui. En fait, tu as dit à ton copain que c'est ton meilleur pote qui t'a mis enceinte. Tu annonces ça à ton meilleur pote. Nous, on joue le rôle du copain un peu lourdeau, machin, etc. Mais pas que lourdeau, hein. En mode loulou, mafia, méga chosse, quoi. Ok. Jean, comment ça tu es monté sur le boudin de ma femme? Comment ça tu... Vous avez même pas mis, tu vois, des trucs saugrenus. Le mec agressif, hein. Ok. C'est un mec courageux, ton meilleur pote, ou pas? Ah oui, quand même, oui. Ah, il va y avoir du combat de mafia 2.0 au carré. Puissance exponentielle. Évidemment, cette vanne ne dit rien si vous n'avez pas dépassé le brevet des collèges. Alors, 0820-203-200, également sur le net www.trace.fm. Ok, on va rajouter encore un petit peu de piment. On va demander aux auditeurs leur avis, mais on a un bon départ, ok? Donc, concrètement, on récapitule. Toi, Massia, tu es en... Ok. Tu es enceinte de ton copain qui s'appelle... Je sais pas, on va inventer, hein, on va dire Charlie, allez. Attends, t'es pas censé être en couple? Oui, mais... Oui. Mais alors, attends. Il connaît pas ton copain, en fait. Non. Mais prends le vrai nom de ton copain. Ouais, il doit bien connaître son prénom. Mais oui, Charlie. Ah d'accord. Bon, on va dire qu'on l'appelle Charlie, mon copain. Comment s'appelle ton copain dans la vraie vie? Charlie. Ok. Pas de problème. Donc, qui fait le méchant loulou? Yoshi. Ouais, ben oui. T'as envie de le faire? Oui, parce qu'on a déjà refusé un job pour mon apparence, donc autant aller jusqu'au bout. Voilà madame la banque. Vous avez fait de ce jeune un futur repris de justice. Vous avez fait de ce jeune un mec qui a envie de répondre au code que vous lui avez renvoyé au visage en lui disant « Tu n'es pas formaté pour entrer dans notre administration. » Voilà ce qu'il fait de sa vie désormais par votre faute, monsieur. Par votre faute, madame. La banque qui avait repoussé ses avances. Pourtant, lui qui avait envie de vous faire l'amour. Je vais m'arrêter là, je crois. Envie de fusionner avec votre état d'esprit, votre esprit d'équipe, votre développement d'entreprise. Vous avez eu tort. On prépare ça bien, bien, bien dans les détails. Hashtag G97, hashtag TraceFM. D'ici là, il y a du Hey Baby Allo. On appelle Christiane, la maman de Sloane. Allô. Hey Baby Allo. Allô. Hey Baby Allo. C'est qui? J'espère que je vous dérange. Ne me dérange pas, même pas. On s'est dévoré au con, Piranha. Oui, mais et c'est qui? Mets-toi à l'aise, vas-y. Et je suis à l'aise, mais qui c'est? Il faut d'abord se présenter et puis parler après. Pardon, Hamdoula. Bon, je cours, je me déplace vivement, j'étais en train de faire quelque chose là. Et puis, c'est Marco. On est dit non, puis signé, puis ça. Mon carré couché parce que mon ibaï m'a pour moi fait. J'ai la solution à tes problèmes. Quelle solution? On s'est dévoré au con, Piranha. Non, quand même, ton savoir. J'ai pas compris. Il y a trop de bruit autour de moi. Fini pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je rêve de toi. Mais ma parole, c'est qui, Moon? Tous les soirs sur Trace FM. C'est incroyable, hein, ça a pas de fin en fait ce Hey Baby Allo. Tu as la personne qui reconnaît Kalash, t'as la personne qui reconnaît pas Kalash, t'as la personne qui se rend pas compte que c'est de la musique, et t'as des personnes désormais qui racontent leur vie à la personne malgré le fait que ce soit la voix de Kalash. C'est qui? I love you. Eh ben même pas patate maman. Du cocoteur se prépare tout à l'heure, du canular entre temps avec Massia. Eh hey, les auditeurs, on vous pose la question. Qu'est-ce qu'on rajoute pour pimenter encore plus l'histoire? On vous pitch le scénario. À propos du canular, il débarque juste après la petite session de Tijou, à tout de suite. Ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Que t'en as une de pièces. Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos, trace.fm. Trace Tropical et Stonehouse Events présentent l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique, un artiste invité, Jade. Et de multiples cadeaux à gagner. Prévente 30 euros, disponible chez bisous.com, 50 euros à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin, à partir de 20h, avec Hypnotic Gentleman Club, St. Mace Enterprises, Shippy et Trace Tropical. FM, génération 97, génération 97, c'est fait pour toi. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from Portmore, that's in JA. We can do it on that beach there. Backshot, somehow you got extra, forget me not.

them a cover me. Every night I no need to worry. When they show me, I don't need to worry. None at all. Well, every day them get up and a murmur. It's like them work extra. Me know say, me at work, work. So much, so much. Y'all know the belly where you are, y'all you go to all that day. Because you are the tight underneath, you're not stay for yourself, you please them and know that straight. Hey Shelly, your belly my shaky shaky like a jelly. But you still I get your prof Sam Nelly. Still I get your king size, flat screen telly. Still I get your ring, still I get your text pan celly. Still I get your van, still I get your money. Still I get your honey, nuff, nuff, nuff. Still you can't do it. Toutes ces fois où tu as... Encore une journée où le soleil se lève. Aujourd'hui je ne vais pas faire le difficile. Je regarde à côté et tout de suite je pense à toi. Ça me rappelle toutes ces fois où tu as trop d'ego. Tu as trop d'ego. Tu as trop d'ego. Pourtant je fais tout pour être au niveau. Je m'accroche à nos deux, tu mérites ou pas. Je t'envoie des textos, tu me réponds pas. Tu trouves ça malhonnête que je te prenne la tête. Pourtant je ne vais que t'aimer, bien sûr ça c'est ta fête. Tu me fais quoi? Tes habitudes et tes manières ne pourront pas me plaire. Tu me fais quoi? Trois pétés, un quart, c'est insupportable. Rejettes-tu tout mon amour? Je t'implore de me dire si tu m'aimes toujours. Moi tu veux que je m'en aille, j'ai pas de taille. Tu voudrais tout contrôler, je mérite une médaille. Je t'ai parlé des tailles. Ah c'est tout mignon ça, ça va te plaire Hugo. Écoute ça. Vas-y, dis-moi son nom. Fleva. Bah, il s'appelle Vefa. Fleva, Fleva. Ah oui, c'est pas pareil. La Vefa, c'est quand tu achètes une maison, je crois. Flava, c'est sympa ça. Hashtag G97, hashtag TraceFM, on est dans la radio, on est en mode... on va la pourrir. On va pourrir l'antenne ce soir, on va déconner, on va sourire, et puis on va parler aussi de choses sérieuses. Tout ça ne tient qu'à vous, puisque ici, c'est la libre antenne des... auditeurs. Elle est faite par toi, pour toi, chez toi, avec toi. Pour être au niveau. Yann, il est content de jouer sa chanson. Là, tu es fier, frère, tu es fier. Flava, hashtag G97, hashtag Trace FM. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. Je récapitule. Nous avons les breaking news qui arrivent. On a un top 5 également sur les pires phénomènes météorologiques qu'on a pu subir dans la zone Caraïbe depuis 30 ans, 20 ans, je sais pas, peut-être même 40 ans. Je crois que t'es remonté loin en fait, Maë. 1979. Bon ouais, donc bien 45 ans après. 47, puisqu'on est en 2016. Oh, tu calcules bien hein. J'ai plus... 1 plus 1 2 2 4 4 plus 4 8 Je sais plus. 2016 moins 1979. 47. Non, c'est pas ça. Non. Alors attends, c'est... Non mais c'est vraiment pas ça en plus. Non, c'est vraiment... Tu m'as donné une fausse joie. Oui. Je suis super 37. Mauvais. Ça fait combien? 37. Ça fait seulement 37 ans. Attends, 1979. Non, t'as 37. Vu, toi-même, t'es pas sûr. 37. T'as vérifié sur ton téléphone, Maë. Je suis tout entre nous. Et tremblement. J'ai senti trop d'assurance. On passe en mode Calunard. Je vous explique. Vous nous rejoignez. On est avec Massia. Massia va jouer un rôle principal dans l'émission. C'est elle qui a choisi la personne qu'on va piéger. Et c'est elle qui d'ailleurs a un peu toutes les clés du scénario, même si on l'a aidé à l'améliorer. Yoshi va prendre part également à ce canular. Il s'appellera Charlie. Tu es censé te faire passer pour le copain de Massia. Parce que la cible, le piège, le piégé, c'est l'un des meilleurs amis de Massia. Grosso modo, entre Massia et toi, toi qui joues le rôle de son copain, ça va pas très fort, mais elle est enceinte. Et à un moment ou à un autre, tu es tellement loulou, tu es tellement agressif, tu es tellement machin, elle ne sait pas comment te dire, elle ne sait pas comment te quitter. Du coup, elle a peut-être mis le feu aux poudres en annonçant à son copain, c'est-à-dire toi, que le meilleur pote qu'on va piéger est le père de l'enfant. On va voir comment deux loulous réagissent lorsqu'ils essayent de dialoguer. On compose le numéro de téléphone de ton meilleur ami. Tu es prêt, Yoshi? Ouais, prêt. C'est parti. On est en mode Martinique, Guadeloupe ou Guyane, gangsta? Martinique. Ok. Compose le numéro de téléphone. Massia, c'est toi qui plante le décor. Toi, tu te mets un peu en arrière, tu es un peu en colère. Oh non, j'adore ce petit bruitage. On a l'impression que le mec, en fait, il décroche. Tu sais, ça fait comme le bruit des grosses grues, tu sais, les trucs Caterpillar, là. Quand ça recule, ça fait pouap, pouap. Non? Ah, le téléphone passe pas bien. C'est une petite incantation pour que le canular se passe bien. Ah non. Comment il s'appelle ton meilleur ami? Comment? Comment il s'appelle, son prénom c'est quoi? Non, il s'appelle comment? Xavier. Il s'appelle Xavier. Donc on appelle Xavier, Yoshi se fait passer pour ton copain. Voici une histoire de triangle amoureux impossible, parce qu'il ne s'est jamais passé quelque chose avec ton meilleur ami. Allô? Allô? Mais putain! Massia! Tu dors? Quoi? Mais il a décroché, il a dit allô et putain, fallait que tu as bon. Oui, mais j'ai répondu. Non, tu as répondu. Mais monsieur a déjà raccroché quand t'as répondu. Massia. Même pas. Massia. Oui. Dernière chance. D'accord. Maman, sinon tu es nominée. Ça va pas juste. Ah, ça fait peur la musique du jugement. Et ce soir, dans Traslanta, nous avons une seconde de la voix de Xavier. Ce canular ne tenait qu'à un fil. Elle a peut-être tout gâché. Allô. Allô. Oui, Xavier, attends, raccroche pas, j'ai besoin de te parler. C'est qui? Allô. C'est Massia. Allô. C'est qui? C'est ma fière. Ah oui. J'ai besoin de te parler urgentement. J'ai besoin de conseils, en fait, mon petit. En fait, viens de te raconter. Je sais que tu vas m'en vouloir, mais je suis obligée de te le dire. Ah oui. Je suis enceinte. Je comprends pas ce que c'est ta voix. Quoi? Ta voix est coupée, je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'ai dit, je suis enceinte. Putain. Mais en fait, le problème, c'est que... Quand mon copain est un peu... il est lourd, il fait chier, j'ai envie de rompre avec lui, mais le problème, c'est que je suis tombée enceinte. Et pour pouvoir le quitter plus facilement... Il se dit que c'était toi le père. Et c'était moi? Oui. Oui, pourquoi tu lui as dit ça? Parce que il a besoin de te parler pour arranger les choses, on va dire ça comme ça. Mais non, mais tu me mets dans une histoire là. Ben, c'est en toi seulement que j'ai confiance. C'est pour ça que j'ai donné ton prénom, parce que je savais pas quoi faire, mais vraiment pas. Donc voilà. Mais tu vas vouloir faire quoi de l'enfant? Mais je sais, pour l'instant je sais vraiment pas. Mais franchement, s'il te plaît, aide-moi. Massia, ouvrez la porte là. Jav, il veut ouvrir. Jav, il va rentrer. Seigneur, Xavier, j'ai peur, je te jure. Maman, quel enfoiré. Ou alors le mec fonce quel au volant. Justicier. Ouais, le mec il fonce. Il a une voiture ou pas? Non. Quel enfoiré. Bon vas-y, on rappelle. Tu peut-être dis qu'il est parti à pied. Tu dis. Attends, écoute-moi, Massia. Quand on le rappelle là, tu lui dis, écoute, j'ai pas d'autre choix, il faut que j'ouvre, sinon il va s'énerver encore plus. Parle-lui, s'il te plaît, parle-lui. Tu vois, tu as peur. Émotion, palpitation, ploration. Désespération. Ok. Lagrimace. Grimation. Lagrimace, en espagnol, ça veut dire les larmes. Hein. On y va. Aumenta la tension dramatique. Tout est semble pénétré par le canular. Pénétration. Insertion. Inception. Et évidemment le... Allô. Allô, oui, Xav, s'il te plaît, je t'en supplie, raccroche pas, faut que tu lui parles. Non, j'ai pas fait exprès. Écoute. Je vais... Rappelle-moi sur un autre téléphone. Quoi? Mais je peux pas te rappeler sur le téléphone, mon téléphone. Pour l'instant, il bug, c'est pour ça que t'as... C'est pour ça que tu vois pas le numéro. Mais s'il te plaît, raccroche pas, il faut que tu lui parles. C'est mon copain. En fait, je te l'ai pas dit, mais je suis en couple. Donc voilà, et j'ai vraiment besoin que tu lui parles, parce qu'il va péter les choses. Tu veux que je lui dise quoi? Que tu me parles, s'il te plaît. Que tu te fasses passer pour le père. Que quoi? Que tu te fasses passer pour le père de l'enfant. Mais oui, mais ça va l'énerver encore plus. Tu lui parleras, je connais, je sais que tu as les mots pour pouvoir parler. Massia! Bon, vas-y, essaie. Regardez-moi, c'est la faute là! D'accord. C'est bon, oh! Qui vous avalez là? Allô? Oh! Qui vous avalez là? Calme-toi, Charlie, calme-toi. Toi là, t'es qui? Arrête, c'est le cœur de l'enfant. Tu es qui? Mais, barre le téléphone là. Allô? Allô? Oui, c'est qui mon nom? Hein? C'est qui mon nom? Mais c'est Xavier, Baxa. Oh, gars, ça, où savent qui mon nom est? Non, moi pas ça. Moi, je suis Charlie. Je suis Charlie, est-ce que vous connaissez Charlie? Non, moi pas connaître Charlie. Quand tu as été? Dis-moi quand tu as été. Aïe, le gars est pas le tronc comme ça. La première fois déjà, j'ai pas fait exprès de raccrocher. Dis-moi où tu habites. Ah, mais tous. Alors là, tu vas le rappeler, Massia, et tu vas lui dire que t'es pas chez toi, ok? Et que concrètement, et toi, t'es dans la pièce, donc on est bien d'accord, t'es déjà dans la pièce. Ouais. Enfin, tu le dis en martiniquais. C'est quoi? Voilà, c'est ça. On y va, on rappelle. Massia, tu interpelles carrément ton pote et tu lui dis, dis-lui que c'est toi le père, dis-lui que c'est toi le père, il veut pas me croire. Ok, pas de soucis. Gaïmissier, il a dit au réseau de ne pas passer. Ouais, il a pas dégauché. Oh Seigneur, il va me tuer. Non, je pense qu'il est incapable de faire ça. Tu nous as dit que c'était un bad boy, je sais pas. Attends, on recompose. Ok. Le gars fait tomber son téléphone, la batterie est sortie du téléphone, il sait pas comment remettre. Maman, ah ouais, super bad boy, hein. Attends, on réessaye. Le gars ne te sauve pas, d'accord. Et toi tu l'aimes. Eh ben dis donc. Ton meilleur ami, hein. C'est le vrai Charlie qui va être content. Xavier Colotroc. Non mais tout à l'heure il t'a dit de rappeler sur un autre téléphone, ouais, parce que ce téléphone a un problème. Allô? Oui oui. Il y a un autre numéro de téléphone et on peut le joindre en fait. Non, je pense que en fait c'est moi. Je pense qu'il m'entend pas bien en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il répond pas. Oui, je pense que c'est pour ça, je sais pas. Je pense que c'est parce qu'il a pas envie d'être mêlé. Hein. Je sais pas, je trouve ça très mignon comment tu essayes de l'aménager. On réessaye. La meuf, elle est love de son meilleur ami. Il m'a envoyé un message. Il a envoyé quoi? C'est quoi le message? Ça dit quoi? Il m'a dit, je ne peux rien faire pour pharmacie. Bien maintenant, tu sais sur qui tu ne peux pas compter. En même temps, moi j'adore les gens qui disent ça, tu sais, c'est rarement les plus courageux. Hein. Genre, je ne peux rien faire pour toi, Machu. Démerdez con. Fais pourquoi tu es où? En bas là. Quelle salope. Attends. Essaye encore une fois de le rappeler, s'il te plaît. Le gars, il est sur mes messageries, mais il envoie un SMS. Il y a deux solutions pour sortir de cette situation. Parce que selon l'article 233, où tu t'es engagé à faire délirer la génération 9-7, tu es engagé jusqu'à ce qu'on le décide. Ok, déjà pour commencer. Alors, première chose, soit tu sors de ce canular en direct, soit tu dois le laisser traîner tout le week-end. Ah ouais. Tu ne peux sortir de ce canular qu'en direct. C'est pas possible autrement. Et vu la lâcheté du gars, et les histoires de désamorcer là par WhatsApp, ça marche pas. Ok? Ok, bon je vais le laisser traîner, mais je sais où il habite, j'ai qu'à lui dire que Charlie arrive vers Volga et le cherche. Non mais le gars va déménager. Alors attends, intéressant, Xavier c'est un mec du quartier de la Volga en fait. Ouais, il habite à Volga. Oui. Ok. En fait, en réalité, c'est très drôle d'imaginer qu'en fait, c'est Yoshi qui aurait pu mourir ce soir. Mais en fait, qu'il en est tout à fait autrement. Dans cette période de paix, en cette période d'apaisement, le plus total, j'apprécie, moi, contrairement à Sabri, j'apprécie le comportement de Xavier qui ne cherche pas à envenimer la situation. Non, attends. Non. Le gars, c'est un lâche, c'est tout. Ah, mais non, c'est pas un lâche, les gars. C'est pas un lâche. Non, c'est dommage qu'il propose pas une solution. Sa meilleure amie l'appelle. J'ai un problème avec mon doudou, il est énervé. Il est à côté de moi, là. Je ne peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Et elle est là. Oh, c'est trop mignon. Mais sors avec lui, arrête de nous emmerder. Attends. Il a essayé de m'appeler en plus. Alors attends, on recompose. On recompose pendant que lui il se décompose. Et oh, je te enchaîne directement si ça décroche. Ok. Pas trop fort. Allô? Allô? Oh, par à gauche, je téléphone ça. Sous à gauche, je téléphone ça, mafia. Ou pas vieux, pas les bamas encore. Personne pas où est mafia, Martinique encore. Est-ce que tu as un amadou là, tu veux? Est-ce que tu as un amadou là? Gars ça, écoutez-moi bien. Quand tu as un amadou. Oh, où n'est-ce que tu répondais? Le gars, bah l'otage. Alors ma copine, si jamais je réponds pas, si jamais je raccroche, personne ne va la revoir. Où est-ce que j'habite? Comment ça, où est-ce que j'habite? Toute. En même temps, ça vous fait bien marrer. Mais vous seriez exactement dans la même situation. Non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. T'aurais appelé ta meilleure copine, je pense qu'elle aurait pas raccroché. Moi, honnêtement, moi, ma meilleure amie m'appelle, elle me fait un truc comme ça. Bon, moi, après, vous connaissez comment je suis un peu frappadingue. Donc, je pense que je prends la conversation. Mais au-delà de ça, je pense que je m'arrange pour appeler en même temps les autorités, faire une conférence avec les autorités. Si elle est vraiment en danger, j'essaye d'avoir des informations pour savoir où elle est. Les histoires de « je n'ai pas rien faire pour toi, machou ». C'est chaud quand même. J'avoue, c'est chaud. Mais en envoyez des petits cœurs avec le message ou pas? Est-ce qu'il y a une petite croix de cimetière aussi dans les émoticônes? Et tu sais quoi, s'il continue de pas répondre, ne lui envoie plus de nouvelles. Fais-lui croire qu'il t'est arrivé un truc. Ça lui fera les couilles. Par contre, week-end, faut pas qu'on te voit au cinéma, hein, au carré, à casa. L'objectif, c'est attention, c'est rendre le canular encore plus de tridimensionnel. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à lundi, tu es cloîtré à la maison, tu es enfermé chez toi. Il m'a envoyé un message. C'est quoi le message? Il m'a demandé où je suis. Eh ben tu lui dis c'est Charlie qui a mon téléphone, il faut que tu lui parles. C'est pas Charlie qui a son téléphone. Ok. Il m'a laissé, je t'envoie un SMS, mais c'est lui qui l'a. Non, mais c'est pas cohérent. Ça peut passer. Il est tellement en état de panique que ça peut passer. Alors, est-ce que tu peux noter ce qu'on te dit, ok, dans le WhatsApp? Oui, y a pas. Eh, T-Bay, on te dit ou pas raccrocher. Tu l'écris en gros. Ok, avec l'émoticône que tu veux, mais la plus impressionnante possible. On te dit ou pas raccrocher. Avec le petit bonhomme rouge. Et puis tu rajoutes mon gars. Comment vous dites ça? Moi j'allais dire recrier ou. Voilà, viré crio. Voilà, viré crio. Mon gars, viré crio. Sous pas du gaucher, boug. Voilà. Trois petits points. Et tu dirais quoi? Bamboclate Je sais pas. En fait, le truc c'est que le mec, je le connais depuis la seconde en fait. Ah, je connais le mec? Oui, je trouve que lui, il m'a pas reconnu. Je sais exactement ce qu'il faut dire pour le provoquer parce que normalement, ça, d'après ce qu'il me dit, il déclenche direct. Ah ouais, on se donne rendez-vous. Mais alors que là, je constate que c'est pas vraiment le mec. Tu connais le mec en fait? Je le connais, le gars, c'est un bon pote à moi. Mais il m'a pas reconnu et il est moins gangster que. Bon, attends, on recompose. D'accord. On recompose. T'es censé connaître Massia aussi? Oui, je la connais. Alors, ce que tu fais, c'est que tu appelles, en fait, le mec, et tu dis, ouais, salut, c'est Yoshi. Genre, vraiment, le mec, il reconnaît pas ta voix, tu sais. Salut, c'est Yoshi, je viens d'avoir un message de Massia, elle me dit qu'elle est en galère, machin, etc. Elle me dit de t'appeler parce que tu veux pas décrocher. On essaye. Ouais. Ok. Ou alors on prend directement comme tu le sens. Si tu veux le prendre directement gangster quand tu décroches, pas de problème. On réessaye. Ouais. Recompose. Ah, j'ai chaud. Keshi. Franchement, tu es dans la même situation. Tu aurais dit au gars, oui, je prends la conversation. Ne bouge pas. Donne-moi ton adresse. Je t'envoie ma maman, ma cousine, tout le monde. Je t'envoie toutes les copines avec qui j'ai un ticket. Tu peux tout prendre. La vie, colotrope. Là. Ah, c'est pas mon information, si bougla. Comment, Miss Taekwondo qui débarque, qui réagit. Massia, abandonne-le. Monsieur n'est pas capable de t'aider alors que tu risques de te faire taper. Miss Taekwondo, hein, qui parle. Oh! Pas accrocher, pas les tests de faire les choses là, Tibé. Nous, ou au téléphone nouillé, et pour qu'accrocher, les mecs qui sont venus d'ouvrir, c'est qui ça? Les mecs qui sont venus d'ouvrir, mais faut-moi pas faire une info. Ou pas faire une info? Ou pas faire une info? Dis-moi c'est où qui papa, tu m'as là? Dis-moi qui ça m'a fait. Eh ben, où? Oh, madame, c'est tout ça, mon sable, et il parle les mains, il dit où? Donc, mon camando, je dis à la. Pas moi, à deux bouteilles, mon gars, quand tu m'as la nité et tout. Dis-moi quand tu as arrêté. Cherchez papa pour un charme de l'autre. Cherchez papa, papa, moi, ok, mais où que tu y es? Tiens, y'a la pression sur l'enfant. On lui donne une petite pause ou pas, le mec, quand ouais, même ouais. On remet nos idées en place, on le rappelle. Attention, Massia, par l'article 233, alinéa 22, vous êtes tenu au secret professionnel de l'engagement que vous avez pris dans le canular. Vous n'êtes pas en position de pouvoir décider lorsque vous sortez de ce canular avant de nous avoir consulté et que nous vous ayons délivré l'autorisation 27-344. D'accord, mais en fait, le truc, c'est qu'il habite tout près de chez moi. Mais tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Éteins les lumières, ne réponds pas à ton téléphone. Voilà. Et je suis pas sûr qu'il ait envie de venir chez toi non plus. Et quand on reviendra, tu vas l'appeler pour lui dire que Monsieur t'a frappé. Et c'est Yoshi qui prendra la suite. On revient dans Génération 9-7, à tout de suite. Observez you, en fait moins passer pour t'y nec, pour t'y cerner you, en fait pour l'en son pirate, you pe pas bernier moins, you pe pas cerner moins, ouais c'est mes c'est des tirades, casse ses soirs au chien, manque pelle t'es you, en fait pour l'en son pirate, en fait pour l'en son pirate. Plan qu'à monter, qu'à songer, mon assa qu'à remplir moins des coups, you dis moi Jordan qui arrive ou, ou pas chanter à mes trous. Faut passer pour t'inec, qu'elle veut ou pas dit qu'on s'avant. Par les sauces du pas bon tirac, par un temps copinage, moi en servi yo. Enfin moi passer pour t'inec, moi t'es cerné yo, en se volant son pirate. Yo pas bernier moi, yo pas cerné moi, ouais c'est mes c'est des tirades. Casse ses oeufs au chien, manque pelle t'es yo, en se volant son pirate, en se volant son pirate. Pas besoin yo, pas besoin zami. Moi et bon Dieu à nous dénoncer en gang. Tant qu'elle est belle à famille. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour désaper ta racli. Igo, on est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Lian qui vaut tes plans. Onga, ouais. Mon gars, je sers. Du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de pas l'y faire. Je veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Oh. Avant de toucher ma petite peau, il faudra me tuer, peu importe la couleur. Tony sans salaire couvert, le double R et puis couleur. Mon négro, le double R et puis couleur. Mon négro, je ne coopère pas sous la couleur. J'suis tellement loin dans les bails noirs, très noirs, t'as illuminati. J'la mets jusqu'à là, je peur comme si j'fais des minimati. Réponnez qu'est en moi. Rapport dans l'industrie, moi j'suis dans le maquis. J'ai le dernier aussi, ça j'me rend pas. C'est chardin, j'en les paquets. Laissez vie à moi, mais à la chance. Et viens l'expliquer, guidez-moi. Ou cracher en main là qui roule vieux à l'eau. Ou goûter en fer en moi. Pas fait semblant ou aimer moi. C'est butant, c'est des ruiner moi. Big up tes jours ça. Vérité pas carré, caché, mais ça fait seul côté qui te guide moi. Moi en vais pas laisser bayou, moi en vais pas rayou. Et en tout seul, moi et amis en bien parano. Réussite à ou créer jalousie, ou fait c'est pour pas prier, hein, pas ça bien aigre. Papa dis-moi sous tomber, vous levez ou sortir à don la sa rebelle. Ouais pour n'y qu'à en main, en fait y'a qui a tête en main. Yo dis-moi faut entrer à fonter moi, mais ça qui fait belle péché changer pour rien. Ouais pour n'y qu'à en main, en fait y'a qui a tête en main. Yo dis-moi faut entrer à fonter moi, mais ça qui fait belle péché. Gentil-moi qu'un peu plier la France, motivé depuis l'adolescence. Dieu m'a donné la voix et l'intelligence. Dieu m'a donné l'attaque et puis la défense. J'appelle le fruit de l'inverse que tu appelles chance. En sous-effectif, je cours avec plus de vaillance. Hey, consommer l'amour à outrance. J'emmerde Jean-Marie depuis la naissance. Est-ce que sa fille l'aura entendu? Moi aussi j'ai trouvé ça dégoûtant. Me seras-tu Charlie après l'automne? Selon le vent et selon l'iPhone. Je regarde mes frères et je sais ce qu'ils pensent. Ne seras-tu qu'à l'âge malgré l'avance? Même après la guerre, je ne jette pas ma lance. À part le mépris, rien ne vaut mon silence. Doté d'intelligence, je n'ai pas foi en la science. Je serai plus fort si mon peuple a confiance. 8,5 au devoir n'est pas signe de déficience. Je réfléchis juste à la vraie vie et mon avenir durant mes absences. Hypocrisie comme mon flèche, je vois qui pousse mon tolérance. Bon français, quand ça se passe bien, tu vois les la scank a veillé, donc ouais, moi m'en pas tout seul. Pas les 10 plaquettes, 10 visites, 10 lâches. Mais la plupart d'yo, c'est des battes doucettes. En 30 minutes, m'en fait 10 clients. Pas d'un chitoua qui a fait la poussière. Si moi pas mettez la maman à l'aise, dis-moi qui moun qui qu'est la poufeille. Snoopy et puis moi, donc m'en pas tout seul. Mad Max et puis moi, donc m'en pas tout seul. Si frère qu'a grandi et pas tout seul. Donc pas besoin Kevin, dis-moi ça pour faire. Frangin avec l'homme, mi c'est ça nous pète. Donc normalement, m'en pas qu'a fait nous pète. En bas bloc, la deuxième est grand ouvert. Moi et puis chauvet, donc m'en pas tout seul. Aïe, pas et même mec sur le banc tu vas rien faire à part rester assis. Zaïrois sauvage 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas domicile. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas featuring, réponse négative. Ramène nous des plans à but lucratif. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïrois sauvage, 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas domicile. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas featuring, réponse négative. Ramène nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et Fayad offensive. Doumé sauvage sont dangereux. Ah ouais. Doumé sauvage sont très agressifs. Traite des mères sur internet. Ah ouais. En face tu finis, un soir intensif. Qui vivra verra, toujours en crâne zéra. Faut même pas me déra, mes gars sur le terrain. Bah les couilles ta vie, c'est que tu peuras. Je rappe plus que toi et t'as la jura. 4-0, 23-2-7-0. Rapide efficace comme Kuna, Wero. Y'a pas de je t'aime, pas tes tiro. Comme lui, Suarez, El Pisto, Mero. Sous-estimé. Ils savent très bien que je suis le meilleur. Quand la calasse tire, personne n'arrête la balle, même Manuel Neuer. Tu te fais piétiner, tes potes ont couru, tu me parles de solidarité. À ce fond de la classe, fini diplômé, je suis content de ma scolarité. Crois pas que tu fais du rap encore parce que t'es rempli de vulgarité. Sache que tout ce qui m'arrive c'est mérité. Les enfants et les parents. Sale et la sonorité. Choqué de la brutalité. Tout niquer notre mentalité. Faire monter le code mortalité. Tellement vrai. Que j'ai l'air faux. J't'ai jamais oublié les potes mon bendo. J'suis tellement frais, mais j'te donne chaud. Maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font des roulés pour les couler sous mon flow. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sur sont avec moi, j'emmerde les autres. Dans un instant sur Trace, Mala, Guadayana, où que tu sois. Il reste également la outline du cocoteur tout à l'heure. Il y aura du sexe confessionnel en parasexe sans tabou dans une poignée de secondes également. Et le top 5 des plus grands phénomènes météorologiques. Ouais, c'est rare qu'on le dise en entier. Phénomène météo, ça aurait suffi. Les 5 plus gros de ces 40 dernières années. 0820-203-200. Merci d'être avec nous ces week-ends dans les tympans. C'est Génération 97. La radio est libre sur... C'est toi qui te prends pour Yoshi ou quoi? Le soir. Génération 9-7. Personne peut tester. Génération 9-7. Sur Trace FM. Maman. T'es complètement dingue, mec. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux mourir? Pourquoi? Tu veux vraiment que je raconte à la radio ce que tu viens de faire? Vas-y. Je m'adresse à toutes les équipes de direction de Trice Caribbean. Mais ils dorment déjà à cette heure-ci. Nous avons. Il y a le décalage horaire. Ouais, mais on sait qu'ils habitent tous en Chine. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Que lundi, qu'est-ce qui va se passer? Lundi, ils vont réécouter l'émission. Okay. Oui, mais j'aurai tout le week-end pour effacer ce qui s'est passé. Il a jeté une bouteille de coca. Déjà, c'était la bouteille de qui? Je fais foutre tout le monde dans la merde. La bouteille de Nessie. Voilà. Il a jeté la bouteille de Nessie de coca, alors que le studio est interdit de boissons. Voilà. Et que les boissons sont interdits au studio. La bouteille que Yannick m'a achetée. Oui, mais moi, je t'ai offert un coca, rien ne t'empêche de le boire dans le réfectoire. C'est ok vrai, c'est vrai. Bon. Tu sais pas dire que tu l'accompagnais? Alors, je tiens à préciser qu'il y a exactement 1, 2, 3, 4 écrans flambant neufs. Ouais. Dans le studio, sauf un maintenant. Il y a un impact de bouteille. Au niveau du coin. Au niveau. Ah, putain, c'est moche en plus. Putain, ça a giclé. Mais c'est vraiment mal ce que tu as fait. C'est tes empreintes digitales qu'il y a dessus maintenant. J'aurais pas dû toucher. Merde alors, putain. Il faut m'aider, s'il vous plaît. Passe-moi un chiffon, s'il te plaît, Maë. Passe-moi un chiffon. Un chiffon. Ah putain, merde. Mais c'est mes empreintes digitales qu'il y a dessus, les gars, maintenant. Putain, attends, laisse-moi effacer avec mon t-shirt. Mais si, j'efface avec mon t-shirt. Efface avec ton t-shirt, tu auras ton ADN. Oh merde. Hugo, tu peux venir voir, s'il te plaît? Non, ça va, je suis bien là. Putain, qui je peux piéger? Taz! T'as rien, t'as pas de compte à rendre. C'est pas bien de choisir le plus couillon. C'est pas sympa, pourquoi tu dis ça? C'est vrai, y'en a plus couillon dans la pièce. Oui, puis franchement, et puis c'est au plus couillon, franchement, honnêtement, pas sûr que ce soit lui qui gagne. Hein. Bref, reprenons là où nous en étions. Il y a beaucoup de monde dans le studio qui attend la suite, de voir comment se passe la vie d'un capon, saut comment. Eh bien, il n'y aura pas de suite. Si, on va essayer de rappeler. La frustration. So comment. Yann. So comment. Tiwiwi. Lunastra. Roro. Audrey. Mayu. Célia. Mr. Taekwondo. L'impatience. So comment. Chataro. Et puis tous les autres, hein, on y va. Le choix du pseudo. Comment? On y va, on compose le numéro de téléphone. T'es toujours avec nous, Massia? Oui, tout à fait. Bon, ça va, ça se passe bien. Il a essayé de te contacter pendant la petite pause musicale. Xavier, oui, le talent, il m'envoie des messages. Alors, on fait un petit récapitulatif. Précédemment, dans Génération 9-7. Il faut piéger mon meilleur ami, les super bad boys. Et en fait, il est pas très bad boy, dis tout. Le courage, la témérité, comment? Il a envoyé des messages, on reprend depuis le début les messages qu'on a ratés. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Ben, il m'a dit au début, en fait, bon, quand j'ai envoyé un message sous le nom de mon copain, il a dit, frère, regarde ça, j'ai pas pu, c'est ta meuf. C'est simplement mon ami, donc calmé, j'étais même pas. Donc ça veut dire qu'il est persuadé que là, pour l'instant, ton téléphone est dans les mains de ton copain, en fait. Voilà. Ok. Il envoie quoi d'autre? Il a dit, j'étais même pas au courant de l'histoire avant ce soir, donc pas mettez-moi en affaire. Hein. Ouais, c'est le dernier message qu'il a envoyé. Et après, il m'a demandé si c'était réglé, j'ai fait non, qu'il a failli me frapper et tout. Et il m'a demandé où sont mes frères, où est ma mère. J'ai dit, ils sont partis, il n'y a personne, je suis toute seule. Et il m'a dit, où est le gars? J'ai dit, ben, il allait faire un tour. Et il m'a dit, il est où? Montre-moi une photo. Et puis depuis, il ne répond plus. Ça marche. Jerry Bruckheimer present. A world premiere production. With Yoshi dans le rôle de Charlie. Massia is herself. Et attention, le O derrière, c'est qui le featuring? Qui c'est qui a fait haut derrière toi, Massia? Quoi? Il y a quelqu'un qui crie derrière toi, c'est qui? Personne. C'est qui? Ah, c'est Charlie. Non, mais c'est qui? C'est le vrai Charlie. Ah, mon copain. Ah, ton copain est vraiment là, dans la pièce. Mais non, il est pas là, il est parti. En plus, je lui ai parlé de ça tout à l'heure là. Il était avec moi tout à l'heure. Bon, bah, bref, on s'en fout. Ouais, mais il est tellement bad boy lui que sa voix résonne 10 minutes après qu'il soit parti. Les murs en tremblent encore. Bon, bref, on se prépare à recomposer le numéro de téléphone de Xavier. D'accord. La tension est à son maximum. Que va-t-il se passer? Un retournement de situation, peut-être. Peut-être qu'effectivement, la colère a mis un temps à monter. Que le courage a mis un temps à se présenter. Mais qu'il est peut-être là, au bout du fil, au bout du numéro de téléphone qu'on va composer. Son nom, c'est Xavier. Va-t-il voler au secours, enfin, de sa meilleure amie? Va-t-il devenir, alors que jusque-là, il n'était qu'un caperon, enfin, un justicier? La réponse après 25 minutes de pub, à tout de suite. On y va, on compose le numéro de téléphone. On devrait faire des teasings comme ça avec les musiques des génériques de série. Comme ça, c'est fort. Hein. C'est qu'il faut tenir 10 épisodes minimum. Ouais, c'est ça. C'est un peu long la saison. On y va. Yoshi, bonne chance. Ta vie, colossal. Ah, ah, c'est pas possible. S'il décroche pas, je pense qu'on va faire un remix et on va faire un bouillon avec son nom et sa messagerie. Xavier. On met des bruits de poule aussi. Tout le monde reste calme. Miss Taekwondo, oh les gars, monsieur est sérieux? Il vient de la Volga, il assume pas? Ouah les gars, c'est fini les clichés sur les quartiers. Ouais. Il y a peut-être... Moi, je trouve ça bien, son attitude. Hein. Il veut pas de problème, il a pas envie de se mêler. Tu vois, franchement, honnêtement, en même temps, si tu te mets un peu logiquement à sa place, tu te dis, bon, ben voilà, elle a déclenché sa merde, c'est son problème, quoi. Tu prends un... Alors, je suis d'accord que tu portes un peu tes couilles, tu dis, non, c'est pas moi le père, mais ce qu'elle arrive pas à te dire, c'est qu'elle se sent en danger avec toi. Tu crées un dialogue. Enfin, en même temps, ça n'a pas l'air... T'essayes de désabonner. Ça a pas l'air d'être une personne avec qui peut s'installer le dialogue, Yoshi, hein. Ouais, je constate ça. J'ai presque envie que celui-là devienne un co-animateur. Tu peux laisser l'autre Yoshi, celui qui trouve pas de travail. Tu pourras dire, tu vois, quand monsieur l'agent, c'est policeman, quand il va arriver, ils vont te mettre les menottes, tu vas dire, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est la banque qui m'a rendu comme ça. Ils m'ont refusé mon travail. J'ai dû faire de la rue mon métier. Que le canular continue, hein. Ouais, on a bien compris. Je vois pas comment votre esprit peut s'égarer comme ça. On a rien dit. Chut, on y va, on y va. Il va répondre ou pas? J'ai l'impression qu'il appelle. David. Ah, ça sert à rien de s'énerver sur une messagerie, les gars. Ah. Gardez votre calme. Massia est peut-être tout autant tendue que vous. Tout le monde prend ses lobes d'oreilles, s'il vous plaît. Tout le monde prend ses lobes d'oreilles et tout le monde fait « Où ça ?» en même temps que moi. On y va. 1, 2, 3. Où ça ? Sur les lobes d'oreilles. La vie. Putain, on essaye encore. Tout le monde se calme, on respire et tout le monde fait « Où ça ?» 1, 2, 3. Où ça ? Dans ton cul. Je t'aime quand t'es aussi couillon que moi. Putain. Audrey qui est très déçue, qui dit même au téléphone, ce n'est pas un bad boy. Frère, j'ai envie de foutre un pain au gars tellement il est lâche. Ouais, parle toujours, Lune. Tu sais, les gens qui sont encore plus bad boy. Ouais. Hein, tu sais, genre, quand je suis bad boy sur Twitter. Attends, si tu continues, je vais te retweeter. D'ailleurs, c'est mon vrai prénom. Hein. C'est pas un pseudo. Je m'appelle vraiment comme ça dans la vraie vie parce que j'assume tout ce que je dis. On te taquine, Lunastra, ça va. C'est pas vrai, on le pense vraiment. Ah là là. T'as pas honte d'avoir fait peur au petit gars? Non. Il a pas un numéro de fixe? Je connais pas. Alors écoute, tu lui envoies un petit WhatsApp pendant qu'on est en train de parler. Ok. Tu lui envoies un petit WhatsApp en lui disant décroche, ça a eu une issue inattendue, j'ai récupéré mon téléphone portable. Enfin, tu le dis dans tes mots, hein. Ça, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. Ça se trouve, on n'est pas sûr que tu réussisses à utiliser tous ces mots-là. Je sais pas, une intuition comme ça. Dis-lui, c'est bon, ça s'est presque arrangé, décoche, un bisou à les bao, par exemple. Si ça se trouve, il est en train de rédiger son testament. Ah, alors, je laisse mon stunt et ma paire de Air Max. Mon bandana rouge. Ah. Et ma chaîne. Allô. Fais un effort. Le nombre de personnes qui attendent la suite du canular, quand même. Sois courage. Oh putain. C'est répond pas mes messages. Alors attends. Est-ce qu'il les reçoit au moins? Mais oui, il reçoit mes messages. Donc tu vois les deux petites flèches cochées bleues là? Oui. Le salopard. Est-ce que tu as la possibilité de faire une conférence? Je sais pas, hein. Est-ce que t'as du crédit? Pas beaucoup, non. On s'en fout, ça vaut le prix. Tu essayes de l'appeler en ouais, conférence, en numéro non masqué? Oui, je peux. On y va. C'est parti, il faut faire quelque chose. On ne peut pas mourir sans se battre. Nous n'allons pas finir cette nuit sans combattre. Car ce soir, nous voulons la fin de notre canular. Ok, bon, je l'appelle. Ah mais tu perds du temps à me parler. Qu'on peut se lever au téléphone. Oui. Si tu fais oui, ça veut dire que tu commences toujours pas à me faire au téléphone. C'est malheureux, ouais. Action. T'as failli abonner. Putain, j'ai l'impression que c'est les pulsations de mon cœur. Putain, les gars, je fais une hyperventilation, on va peut-être y arriver. Xav. Allô, Xav. Xavier. Putain, il a raccroché ça. Alors attention, on a quand même évolué depuis tout à l'heure, ok? Il a décroché quand même. Donc ça veut dire qu'on réessaye, on réessaye. Refais. Me parle pas, ok? Action! C'est incroyable ces gens, pourquoi ils veulent parler comme ça? Le canular est à bout de souffle. Peut-être en train de vivre ses dernières secondes. Nous allons tenter une dernière fois de le réanimer. 10 milligrammes d'épices mandarines. Vous êtes sûr, docteur? Il répond pas. Il répond plus. Ça fait combien de temps que l'électroencéphalogramme est plat? Ça fait bien 20 minutes. Alors là, putain, franchement, honnêtement, le massage cardiaque de réanimation qui dure 20 minutes, franchement, faut y croire. Hein. En vrai, ça peut durer plus longtemps. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu peux m'afficher le numéro de téléphone, j'appelle de mon téléphone, je m'en bats les couilles. C'est pas grave, on y va. Comment, ouais, non, mais le gars, c'est-à-dire, putain, il y a même des gars de Guadeloupe qui m'appellent. Bah oui, frère, j'appelle. Il veut venir chez moi. Mais non. À la limite, oui. Oui. Ouais, alors, mais dans combien de temps il est chez toi, s'il vient chez toi? Ça dépend, il habite juste à côté. Dans combien? Je comprends pas ces gens qui sont pas précis. Je te demande un truc précis, c'est pour savoir, c'est pour faire mon timing, pour savoir si je vais me faire à manger, si on se dit à lundi, voilà. Si on va chercher combien, des choses. Combien de temps? Alors, franchement, 5 minutes. Et même. Okay. Comme il va rouler vite, 2 minutes. Dis-lui, viens, il est parti. Surtout, dis-lui, il est parti. Viens, il est parti, je t'attends. Par contre, viens vite. Viens me chercher. Et on te rappelle dans 5 minutes, ok? Tu lui dis rien, tu tiens ton rôle jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on te rappelle nous, ok? D'accord, y'a pas de soucis. Okay. En fait, comme c'est pas moi qui l'a dit ça, c'est une amie, parce que bon, ma pote joue le jeu aussi. Genre, il a dit à ma pote qu'il va peut-être pas coucher moi. Bon, il m'a dit de rappeler, je rappelle et on verra. Ok, à tout de suite. Comment ça avec la bip en gueule au moins? La nana raccroche et nous met en double appel pour appeler qui? Elle appelle Xavier. Oui, mais s'il décroche déjà pas. Allô, allô. Oui, Xavier, putain, t'es où? J'attends ma porte. Mais ça fait une minute. Il arrive dans combien de minutes? Je ne sais pas. Il faut que tu arrives au plus vite parce que pour l'instant, il est parti, mais je sais pas s'il va rester, s'il, à quelle heure il revient. Je sais même pas ce qu'il est allé faire. Mais tu m'as dit que ça s'est arrangé. Presque arrangé. C'est-à-dire? On a parlé, je lui ai expliqué les choses, concrètement, et il m'a dit qu'il revient, qu'il va faire un tour. Et qu'il aimerait bien connaître le père de l'enfant. Et qu'il aimerait bien connaître le père de l'enfant. C'est qui parle là? Moi, je suis... Je... Il manque à trouver sa foi quand même, hein. Son avocat, son avocat. Je suis son avocat. T'as entendu? Xavier? Oui. Allô? Ouais, ça va? Je suis le voisin. Hein? Je suis le voisin. Le voisin de Massia. On se connaît pas. Mais je suis enchanté de rencontrer le père de ce futur enfant qui arrive. Je suis pas le pater, putain. Moi je suis le petit copain du voisin. Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Ouais, et d'ailleurs, si vous voulez pas de cet enfant, on se propose éventuellement de l'adopter. On a vu ça dans Zone Interdite dimanche. Surtout si c'est un petit garçon. Ouais. Allô, Xavier, tu nous entends? Je pense que j'ai compris. Quoi? Bonsoir Xavier. Xavier d'amour. Xavier? Xavier, tu sais que je t'aime. Non, pas du ça. Par contre, Xavier, j'aimerais autant te dire, il va falloir que tu déménages de la Volga parce qu'ils veulent plus de toi, là. Dixit, alors, je sais pas, le mec s'appelle Chien Satan, il vient de tweeter, il s'appelle Chien Satan, il vient de dire, monsieur est pas bon pour le business, faut qu'il déménage. Il faut qu'il aille habiter à Didier ou Chalcher, mais il faut qu'il déménage. Il projette une mauvaise image du quartier. C'est pas bon pour le business. C'est pas bon pour le business. Bonsoir Xavier, bienvenue en direct sur Trace FM. Ouais, ça va mieux? Tu retrouves des pulsations cardiaques normales? Alors bien, je tiens à préciser que je n'ai pas été tout seul, puisque bien sûr mon ami Yoshi était avec moi. Que tu n'as pas reconnu, apparemment. Ouais, ouais. Et qui est très content, maintenant, de pouvoir dire à ses copains de la traînelle que tu n'es pas aussi courageux que tu parais. Oh, ça va, c'était une petite blague. Maintenant que c'est une blague... Je vais me faire tuer. Franchement, on a évalué un petit peu le profil. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Mais c'est bien. J'ai envie de passer... Combien de bonhommes pour vous? Pas toujours. Bonne soirée Xavier, on te laisse débriefer avec ton pote Massia. Par contre, il va falloir lui trouver un papa et un prénom à ce petit garçon, cette petite fille d'ailleurs qui arrive bientôt. Tu peux l'appeler éventuellement Xavier. Bonne soirée, ciao ciao. Merci, on revient dans un petit instant, il y a du sexe confessionnel, il y a du cocoteur, qu'est-ce qui reste encore les traceurs? Le top 5 des plus gros phénomènes météo de ces 40 dernières années, on en parle dans un petit instant, à tout de suite. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir... Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi, vraiment... j'adore. Et Doggy Passage. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de...

Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer. La pokwa non spécifique. Mi wom la poubwe, wina bwe mwe. Cigarette pour fumer, wina bwe mwe. Mi wom la poubwe, wina bwe mwe. Cigarette pour fumer, wina bwe mwe. Mi tête la hyper, tête la pète mwe. Mi tête vini wet, tête la wet mwe. Mi tête la hyper, tête la pète mwe. Mi tête vini wet, tête la wet mwe. Kouye 911, 911 mwe. Kouye 911. Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer. Magaïla pour aimer, Magaïla pour aimer. C'est là où tu te rends compte qu'on est vraiment un peuple de dégénérés. Hein. On est le 7 octobre. Disons, parce quelque chose février. Et ça, c'est presque Noël. Hein. Ah, mais merde, il y a rien tout ça entre temps. Oui, c'est un très beau cantique d'ailleurs qui nous vient de Sainte-Lucie qu'on est en train d'écouter. Ouais. D'ailleurs, la compile qui s'appelait Joel Cochon, évidemment, le cochon qu'on consomme en long, en large et en travers pendant de Noël. De port. En travers de port. Ah, regardez-ci, regardez-ci. Même son corps est en rythme. Je te taquine. Ça va, Marie? Très bien. Lilou? Toujours. Oh putain, Lilou est en train de draguer Yoshi depuis tout à l'heure. Il a réussi un canular, ça y est, c'est devenu un mec bien. La joie, regardez le mec avec des yeux d'amour. Pendant le canular. Oh, il y a avec du sexe confessionnal dans une poignée de secondes. Ça sera quoi le thème du sexe confessionnal? So comment? La masturbation. Non mais c'est Sabrine. La dissipation. On parle de la masturbation dans un petit instant. Les filles ont choisi ce thème ce soir dans le sexe confessionnal. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On attend votre participation dans l'anonymat le plus complet. Pas de problème. D'ici là, Mole Shake. Un plus un. Deux. Deux plus deux. Quatre. Trois plus trois. Six. Huit moins quatre. Quatre. Ça va, il s'en sort. Radio Libre. Tous les soirs sur Trace FM. Sur Snapchat, Trace FM 97. Sur les réseaux sociaux, hashtag G97. Hashtag Trace FM. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah, tu veux carrément vendre mon. Ah oui, j'ai un stagiaire maintenant pour mes réseaux sociaux, les gars. Ah ouais, putain, les gars. Le gars, il m'a dit qu'il me donnait un centime par nouvel auditeur. Oh, follower. Il te donne un centime par. Non. Tu lui donnes. Il parlait au nom du stagiaire, en fait. Là. Ouais. Illimité. En fait, j'ai promis au stagiaire de lui donner un centime à chaque nouveau follower, en fait. Vous voulez mettre Yannick sur la paille? Fais pas ça, mec. Alors, à combien? Un million de followers, les gars, vous trichez pas. Vous trichez pas. Ça fait 1000 balles, quand même. Non. Putain! Un million de followers. Eh, hey, les gars, arrêtez de déconner, vas-y. Allons faire chier Yannick. Je m'en fous de toute façon de tes histoires à la con, ça peut pas marcher si tu Martinique, Guadeloupe, Guyane, si on s'y met tous, on peut le foutre sur la paille. Arrête tes conneries, mec. Arrête tes conneries. Ok, de toute façon, je crains rien, t'as pas donné mes contacts. C'est quoi ces contacts? Non. Hey, tu peux... je coupe son micro. Madame. Non! Faut le dire suffisamment. De toute façon, les gens sauront pas l'écrire. M-A-D-A. Bref, de toute façon, vous n'allez pas me mettre sur la paille. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux réouvrir mon micro, s'il te plaît? Frère, c'est la dernière fois que tu passes derrière moi pendant que je suis dans l'émission, frère. Il voulait te remixer. Ah, tu as ouvert mon micro. Il voulait. Bon, allez, on y va par le sexe confessionnel. Confessionnal, allons-y. Confessionnal. Oui. Le sexe confessionnal. Vous me couchez les petits, s'il vous plaît. Les petits, olé. Les mini-justiciers, olé. Angelo la débrouille. PW Plus, olé. Olé. Trop carpelli, olé. Ok, bonne olé. Allez, vous couchez les petits, trace adulte, olé. Ce soir, les filles ont décidé de parler de masturbation. C'est ça. La masturbation. Je reviens, à tout à l'heure. Non mais, faut arrêter de se voiler la face. On le fait tous. Hein? Et moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi. Merci c'est pour ces rigolo. Confidences, on termine l'émission là-dessus. Ouais, bon week-end. Bravo Lilou. Bravo, bravo, bravo, bravo. Faut pas qu'il se sente seul. Hugo, dis-lui que tu fais aussi. Oui, mais je sais pas si des filles le font autant que les gars, par contre. Ah, par contre, en fait, j'essaie de te sauver, Hugo. Pourquoi? Non, mais je suis un branleur, je m'assume totalement. Mais il arrive dans le sexe confessionnel, il a une vraie question. Mais alors, toi aussi, c'est 10 fois par jour? La dernière fois, je discutais avec Sabri, et je lui ai posé la question, c'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé? La connasse est en train d'écrire ses rubriques par rapport aux questions. Moi, les gars, je ne vous parle pas sur le groupe de toute la journée, je sais pourquoi. Et le gars me répond, mais il y a quelques heures, pourquoi? Ben oui, j'étais stressé ce jour-là. Non, voilà. Sérieux, déjà de 1. Étant une femme, c'est le meilleur moyen d'être assurée de jouir. Déjà. C'est si quand tu même... comptes sur moi pour rire de ta blague à la con. Non mais alors, moi, c'est n'importe quoi. Tu sais pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, simplement, elle aurait pu le dire de manière un peu cinglante. Ouais. Elle aurait pu le dire, tu sais, on aurait été tous, tu sais, dans le studio un peu genre wasted, tu vois. Non. La meuf ne l'a pas dit genre wasted, tu vois. Elle a pas du tout dit comme ça. Elle a dit genre bon, ma vie est un désert non, de plaisir. Je n'ai personne qui n'a jusque-là réussi à me donner. T'es peut-être simplement difficile. T'es peut-être non, simplement compliqué. Non, je dis pas que je n'arrive pas à jouir avec un homme. Je dis. T'as juste essayé que... de le dire quand même. Hein. Non, je dis juste que pour être sûr d'avoir des orgasmes, peut-être 6 à 7 fois par semaine, ben. De toute façon, on couche pas avec toi, donc on n'est pas responsable. Voilà. Donc, à aucun moment, la direction décline toute responsabilité. Dans un produit qu'elle ne vous a pas vendu. Tout non. À fait. Attends, Yannick, tu te masturbes pas? Non. Jamais? Ah, si, si, ça m'est arrivé en 1937. Avant ta naissance? Non, c'était ta naissance, ma chérie. Tu vois, voilà, cinglant. Tu vois, c'est comme ça que. Boulette! Non, plus sérieusement, si, c'est arrivé. Bien sûr que si, c'est arrivé. Mais moi j'ai un problème. J'ai pas envie. Bon, j'ai un problème avec la masturbation, c'est que je trouve que parfois, je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais en fait, cette espèce de sensation de c'est cool, c'est sympa, ça tue un peu le temps, ça peut t'aider à dormir, mais arrivé le moment où tu vas éjaculer, en fait, t'éjacules pas forcément et t'as plus envie d'aller jusqu'au bout. Mais il y a certains hommes de voir leur compagne au moment des ébats se masturber devant eux. Je suis désolée. Après, monsieur, tu le tiens plus. Ah la oui. Masturbation alors, à deux, ouais, c'est pas pareil. Tu parles de... Ouais, parce que moi, je croyais que tu parlais de la masturbation tout seul. Que en ce fait. Soit seul ou à deux, ça reste un plaisir. Ah, c'est vous pas pareil. C'est pas exactement pareil. Tu sais, par exemple, je sais plus qui m'a raconté ça. C'est Hugo ou Yoshi, je sais pas. Il y en a un des deux, en fait. Je pense que c'est Yoshi. Yoshi s'assoit sur sa main. Comme ça, sa main droite. Il s'assoit sur sa main droite environ, je sais pas quoi, une dizaine, une quinzaine de minutes. Et en fait, comme ça, sa main droite, elle est engourdie et il a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait. Vu la tête de sa c'est pas toi qui m'as raconté Sabri. Ça, Yoshi? Non. C'est pas Keshi? Ah ouais, peut-être pas, peut-être. Là, contre, oui. Keshi, bon, il suffit de s'asseoir deux minutes, c'est bon, non? Je t'emmerde. Tu as perdu toute sensibilité. C'est impossible que ce soit moi parce que moi, je me masturbe pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est, mais vrai. C'est parce que t'arrives pas à... De quoi? Non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non. Non, c'est parce que tu sais pas bien faire. Faut quelqu'un pour t'apprendre. Ça brille. Quoi? Hey, c'est mon pote ou pas? Faut se serrer les coudes. Mais mec, tu sais, je vois t'as besoin d'un coup de meuf. Je vois trop le personnage dans Very Bad Trip, tu sais, le mec qui a mis de la drogue dans toutes les fioles de tout le monde. Mais les gars, quoi, on a baisé, c'est normal, c'est comme ça, un enterrement de vie de garçon. Quelle horreur. Non, normalement, il y a une stripteaseuse. Mais je me suis déshabillé. Le mec ingérable, tu sais. Bref, donc c'est pas toi. Il y a quelqu'un dans le studio qui m'a raconté, je sais pas. Le DJ. Non, mais maintenant... Non, il se sert pas de ses mains. Mais c'est ça. Si vous l'avez trouvé mauvais sur certains enchaînements, c'est peut-être parce que sa main était engourdie. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref. La masturbation à deux, je trouve ça très excitant, en revanche. Honnêtement, mais c'est arrivé par accident que je me suis rendu compte de ça, c'était il y a quelques années quand même. Par accident. Par accident. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, elle est là, elle se masturbe dans la rue et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Choc frontal. C'est-à-dire que moi-même. Non. C'est un accident. C'est-à-dire que moi-même, j'avais envie et puis monsieur devait partir peut-être 5 ou 10 minutes après au travail. Il me disait oui, je n'ai pas le temps, etc. Et bien, j'ai commencé sans lui. Finalement, il a été en retard au travail. Ouais, moi ce que je trouve, alors je trouve que c'est très particulier en fait le fait de se masturber parce que chacun de nous, de son côté, a peut-être l'impression que le fait de se masturber c'est un peu avilissant. Et quand t'arrives à rentrer en confiance suffisamment avec la personne en face de toi, tu te rends compte que l'effet que ça produit sur elle. Tu sais, tu trouves ça un peu naze de te, au départ, les garçons peut-être souvent, peut-être plus que les filles, ils trouvent ça un peu naze de se masturber devant une nana, d'en fait se branler. Et en fait, quand la nana te renvoie l'image qu'elle kiffe en fait, ce qu'elle est en train de voir, ça peut et en même temps ça crée une émulation. Mais il y a après, quand même petit conseil les gars, le faites pas exactement de la même manière que lorsque vous êtes tout seul. Mettez-y moins droit là, comme Aïla, quoi. Un petit peu de feeling de. Ralenti, tu voilà, sais. Voilà, ralenti. Parce que si ralenti, tu fronces. Parce que là, tu. Non, ça va lui faire peur, ça va lui faire peur. Mais de la classe, oh, mais de la classe. Tu sais quoi? Tu viens de me décider un truc, frère. Qui peut connecter le live Facebook? Je veux voir ce visage. Je veux voir ce visage de Sabri en live Facebook. Jamais. Allez, on y va. Mais on est tous administrateurs dessus, les gars. Allez, vas-y. C'est moi qui dois faire un suicide. C'est toi, tu nous fais un selfie. Tu nous fais un selfie, tu nous refais cette séquence. Rendez-vous sur live Facebook là tout de suite. Fiap, fiap. On se connecte. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Allez, on ouvre le studio. On a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Salut, Anonyme. Allô, bonsoir. Salut. T'as une belle voix de coquine, toi. Tu bouges pas, tu raccroches pas deux petites secondes le temps qu'on honore notre défi là qu'on vient de se lancer. Il est en train de se connecter sur live Facebook et il va vous refaire le visage qui nous a fait mourir de rire dans le studio. Mourir de rire dans le studio, il va le faire en live et en selfie en live Facebook. Tout de suite, vous nous rejoignez, connexion. Lunastra, vous manquez à l'appel. Merci. Little Mum, Free Bones, bonsoir Wesley. Elle sait pas comment ça marche. Attention, Wesley, il a pas parlé de toute la soirée, mais Wesley vient de réagir à le mec qui est mon camarade à n'importe quel moment. Bravo Wesley, bravo, bravo, belle entrée. Attention, c'est parti. Donc, on était en train de parler, on est en live, ça y est, c'est ouais, bon, officiellement. Live. Attention, combien de connectés? Pas ça, Keshi, pas ça, Keshi, il est pas occupé. Allez, vas-y. Combien de connectés pour l'instant, Keshi? 6. Ok, on va monter. 15. Vraiment. Ok, venez connectez-vous. 29. Attention. C'est ma taille. Allez, encore. 36. Ça y est, on a quitté le statut de radio de quartier. 48. Combien? 48. Allez, montez. On ne fait rien avant 69. Allez. On est en live sur Facebook. 54. Allez, ça monte. 69. Attention. Allez, vas-y. Attention. Alors, Sabri, nous étions en train de parler de quoi exactement? Est-ce qu'on peut refaire la scène très rapidement? On était en train exactement de parler de la masturbation. Lilou voulait à tout prix parler de la masturbation à deux. Donc, quelques petits conseils, messieurs. Ça peut être super sensuel. Oui, à pour partager. Votre copine. Oui, voilà. L'échange mutuel. Le vrai problème, c'est que l'erreur à ne pas commettre. Surtout, messieurs. Quand vous vous masturbez devant la demoiselle, faut surtout pas vous masturber comme lorsque vous masturbez étant tout seul. Parce que il y a des regards qui peuvent faire fuir les demoiselles. Il faut mettre un peu de comédie dedans, quoi, en fait. Voilà. Tu la prends comme ça. Au ralenti, tu vois. Et puis tu rajoutes de la longueur, même si ton truc ne va oui, pas. Oui, de l'amplitude. Tu fais comme si ta main va super loin. Ouais, tu vois, genre du ralenti. Genre t'es en mode slow motion. Emotion. Je suis du man, emotion. Ok. En comparaison avec le je suis tout seul. Ouais. Applaudissez Sabri, s'il vous plaît. Bon, il y a combien de connectés pour savoir si on est resté? 103. Oh, putain, ça fait longtemps qu'on a quitté. On est dans l'univers là. On est en orbite là. Attention, putain, par rapport aux radios de quartier, 20 connexions. Allez, à 169, c'est Nessie qui vous monte. Allez, à 169 sur live Facebook. Ramène tes amis. Il est 22h17, 22h17 aux Antilles, 23h17 en Guyane. On pousse les meubles, on continue, on est encore un peu là. On est un DJ de toute façon. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On reste connecté. On reste connecté. La bande FM on l'a déchiré. On est pas là de jouer. Trace FM on s'est nommé. Trace FM on s'est nommé. 1 plus 1 2. 2 plus 2 4. 4 et 4 8. 8 moins 3 5. On est à combien, Kishi? 117. Attention, 169 pour Nessie et pour Nessie. 169 aujourd'hui. Hey! Une fois, plusieurs fois, pour que Nessie te monte d'elle-même. Une fois, plusieurs fois, en direct sur Trace FM. Dans le calme de la nuit et de la nuit. C'est existe une émission. J'ai 9-7. J'ai 9-7. Génération de la 9-7. J'ai 9-7. Yoshi, par contre, on a remarqué que chaque fois que t'apparais à l'écran, il y a 3 personnes qui se déconnectent. Yoshi, sort de l'écran. Sors du cadre. On est à 96. Du... Attention. Oh 96. Et c'est un peu 69 à l'envers. Nessie, tu nous montres quand les filles sont dans l'intimité. Et je suis censée savoir ça, moi. Tu t'es jamais retrouvé dans l'intimité avec toi-même? Tu préfères le faire, Maé? Nessie, tu veux qu'on raconte à tout le monde la première fois que tu t'es fait coller par ta maman? C'est arrivé ou pas vraiment cette histoire? C'est vrai. Elle m'a dit, j'espère que tu ne joues pas avec tes organes génitaux. Je comprends pourquoi tu ne fais plus le sexe confessionnel, c'est très médical. Bon alors, on est à combien là? 140. Mais attention, il en manque 20. Il en manque 20. Et Nessie monte. Après que Sabri ait montré exactement comment on fait. Oh, oh, oh. Quoi? Il fait un gros plan sur les nichons de Nessie. C'est la triche. Des nichons, quel nichon? Arrêtez. Oh. Arrêtez. Oh. Ça fait un effet avec la natte. Attends, comme ça. Avec tes nouveaux cheveux que tu as achetés cette semaine. Hein? Alors, on est à combien? 106. Putain, faut que ça remonte. Nessie 112. Vous montre comment ça se passe dans l'intimité d'une femme. Après que Sabri l'ait fait pour un homme. Entre l'échange mutuel de masturbation, quand la femme est dans son intimité, qu'elle est toute seule. Enfin, Nessie, c'est pas compliqué, c'est déjà un bruitage. C'est... Et là, il y a une panne. Il y a un moment EDF. T'es branché au secteur ou c'est à pile le tien? Je le branche et après je peux le retirer. C'est parce que... les piles ne tiennent pas. Il n'y a pas de pile. Hein. Il n'y a pas de pile dans le tien? Mais non, c'est chargé. Dangereux. C'est une batterie chargé. En fait. Ah ok, c'est une batterie. Moi okay. Par contre, okay. Je suis plutôt manuel. Je n'aime pas les sextoys. C'est mieux. Ça fatigue moins aussi. On est à combien? 125. Oh putain, ça arrive pas à décoller, putain. 131. 148. Je crois qu'on peut abandonner. 148, il faut qu'on atteigne 169. 156. 159. 156. 169. 117. Vous avez encore 2 minutes. 2 minutes seulement. Si on atteint 169, Nessie est dans la merde. Regarde sa tête, regarde sa tête. 169, la meuf est dégoûtée. 160. Plus qu'un 9, plus qu'un 9, plus qu'un 9, plus qu'un 9. 163. Attention. 168. Ah 160. Live Facebook, connectez-vous. Bisous. Attention, il faut qu'on atteigne 169. Mais il y avait un délai. Il y a un délai depuis quand il y a un délai. Non. Là, c'est fini. J'avais dit 169. Oh, salut. Hey. Alors, pour t'aider, oui. Je propose de faire le bruit du vibreur. Ça va pas m'aider. Ok, alors... Lorsqu'une femme est avec son compagnon en train de faire plein de voluptés, machin, etc. Genre, on est en plein film, ok? Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, la version glamour. Battement des cils. Maman, hey, vous n'avez pas entendu le battement... Flap. Battement de cils. Au ralenti. Non, le flap. On veut voir un écartement de jambes. Ok. Une main qui descend. Ok. Tu as fait un. Non, c'est toi qui punis. Moi, je suis la narration. Chacun son tour. Allez, on y va. C'est parti. Ok. arriver au ralenti. Et par contre, quand vous êtes toute seule. Bon, elle a quand même fait, mais elle a fait à moitié, elle était un peu timide, hein, quand même. Bon, et Hugo, on a tous une question qui nous taraude, là. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on est rentré à la radio, tu sais, qu'on a, on a démarré les cocoteurs et tout. Quand t'es tout seul, en mode cocoteur, le pantalon baissé sur les chevilles, comment ça se passe? La tête de Sabrina. Alors non, moi, Sabrina, non. Ça ressemble à quoi sur ta tête, toi? Oh, papa. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Je refais le bruit. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est pas comme. C'est comment? Non, non, non. Non, tous, mais c'est. Vous êtes tous persuadés d'être Denzel Washington et Brad Pitt lorsque vous vous masturbez, en fait? Jamais, les gars, jamais. Oubliez ça. Alors, vas-y. Non, j'ai une tête normale, moi. Ça se passe dans ma tête. Mais montre-le, imagine-toi, le mec un peu glacé, tu sais, genre. Et ça quand il est tout seul. Non mais arrêtez les gars. Tu sais le mec genre il se tient, tout son visage est tendu, tu sais genre le mec il lâche pas, y a rien qui craque, tu sais dans son visage. Arrête Hugo, arrête. Mais déjà je me vois pas donc je peux pas savoir. Ah bon ben on propose toi, un truc. Qu'est-ce que je voulais te dire? La prochaine fois que tu t'astiques tout seul, bah tu filmes. Et surtout tu nous appelles. Tu fais un live Facebook. Bref, on vous souhaite une bonne soirée les traceurs. Bye bye, ciao. Bye bye. Allez, sur le live Facebook, tu voulais rajouter quelque chose à propos de la masturbation? Oui, je voulais savoir toi, quelle tête tu fais? Quelle tête je fais? Ouais. Je t'ai répondu en début de sujet, mais si tu veux, on reboucle sur la même chose. Je sais pas. Tu fais super cette. Ah, tu veux que gueule. C'est sûr. Super sexy. Je suis comme Hugo en fait, je me tiens. Tu sais, je serre les joues. Attends, tu arrives à te masturber sans les mains? C'est une interprétation. Attention. L'interprétation des cours Florent. Et puis t'en as un coup, c'est. La tortue. La tortue. Voilà, c'est comme ça. Ça va? Ça te va? Ça me va. Alors, je t'en prie, conclue l'émission. Bah écoute, je vous souhaite de bien. Non, non, avec ton orgasme. Ah, ah non, moi je mords, je crie pas. Ok, tu veux mordre qui? Je sais pas trop, enfin, vous êtes choisis, pas très appétissant. T'es en train de nous faire perdre du temps. Je mordrai Sabri. Dépêche. Allez, c'est. Ah non, allez. Je veux dire, prends ton temps. On y va, c'est parti. Enquête exclusive chez les sadomaso. Tu veux mordre? Bah oui. Tu mords où toi d'habitude? Le creux du cou en général. Les omoplates, tout ça. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Oh, tête de merde! Bonne soirée. Ah, bon Dieu. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la salive. Ah, il y a de la bave en plus. Ouais, il y a de la bave, il y a un peu de bave. Je peux pas regarder. Mais elle a bien marqué, hein. Ah putain, ouais, non, mais c'est... ouais. Je sens encore la douleur. Et en fait, je vois exactement sur ton omoplate, enfin sur... je sais pas comment s'appelle cette partie d'ailleurs. Mes trapèzes. Oh, sur ton... oui, si tu veux. Sur tes trapèzes, je vois exactement sur tes trapèzes pourquoi faut pas confier sa bite à n'importe qui. Bonne soirée tout le monde, on se retrouve lundi, même heure, même antenne, ici même, sur... Trace FM. Ciao, bon week-end. Trace FM. Génération 9-7. Y a pas de limite. 0820 203 200 Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Encore un gros hit tracé sur la FM. Juste après ça. J'ai 16 ans, je me suis fait recenser à la mairie. Et toi? Pourquoi faire? Le recensement est obligatoire et déclenche ta convocation à la JDC. JDC? C'est qui ça? Ben voyons, la journée défense et citoyenneté. Indispensable, notamment pour passer le permis de conduire. Ah bon? Sans la JDC, pas de permis? Alors dis-moi vite comment faire. Vous devez vous faire recenser impérativement dans les...